Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère et chères auditrices, bien sûr. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou, que ce soir nous avons décidé avec les amis du dispositif, le docteur, le coach qui sont là sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir mon cher Manuel, bonsoir chères auditrices, chers auditeurs. Bonsoir coach. Bonsoir camarade et bonsoir camaraderine. Que nous avons décidé de consacrer ce soir à la lucarne. Alors, c'est vague la lucarne, certains de nos auditeurs savent très bien ce qu'est une lucarne, mais peut-être footballistiquement pas, puisque nous sommes, comme vous le savez, chacun, chacune, écoutés par aussi bien des spécialistes du football que des néophytes. Et il serait peut-être bon d'expliquer ce qu'est la lucarne, chers amis, en football. Docteur, peut-être vous qui êtes spécialiste de la géographie, et là on peut parler d'une zone géographique du but, la lucarne, vous pouvez nous dire. Oui, c'est une zone géographique qui est mal définie. Elle est uniquement définie par son point d'entrée, c'est-à-dire le montant droit ou le montant gauche des poteaux d'un but. Donc ils font la jointure avec la transversale. Et donc, en général, mettre une lucarne, c'est placer le ballon à proximité donc de cette jointure entre les poteaux et la transversale. Est-ce qu'on on peut faire un premier tour de table, ce qui nous permettra de présenter notre invité prestigieux du soir. Docteur, est-ce que vous pourriez nous évoquer le souvenir de la plus belle lucarne qui vous était donné de voir en football ? Eh bien, ça me donne l'occasion, à mon avis, de présenter notre invité, qui est un expert en lucarne, puisqu'il joue avec nous le lundi. C'est comme ça que nous l'avons recruté, en réalité. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est fan d'un certain Ballon d'Or 2003, à qui il a donné le prénom à son enfant, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un, voilà, un touche-à-tout, quelqu'un qui aime évoluer sur l'aile droite ou sur l'aile gauche, indistinctement, et qui, malgré un style parfois laborieux, nous met pas mal de lucarnes, qui me fait penser d'ailleurs, dans son style, à un certain Flo Naldo. Voilà, c'est Florent que je vous présente ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bah, ça va bien, ça va bien. Je suis un peu, un peu ému quoi, d'être avec vous. C'est normal, on fait souvent cet effet-là à nos invités. Ceci dit, vous êtes vraiment l'invité parfait, mon cher Florent, pour cette émission. C'est une émission que nous allons consacrer à la lucarne, bien sûr, mais c'est un peu une émission qui va varier les plaisirs, varier les sujets. Et comme vous a si bien présenté le docteur, vous êtes un touche-à-tout. Et premièrement, je voulais vous poser la même question qu'au docteur. Est-ce que vous avez un grand souvenir de lucarne pour vous, en football ? Alors, un grand souvenir de lucarne, j'en ai un qui m'a fait beaucoup mal. C'est une lucarne de la part de cet attaquant parisien. Aïe. Alors, parlez bien dans le micro, mon parisien. Cher Jean. On vous a pas très bien entendu. Alors, du coup, c'est l'occasion de rappeler un petit principe de cette émission. Nous n'avons pas le droit de mentionner au micro ni la ville, ni le club de la capitale. D'un point de vue footballistique, dirais-je. Très bien, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est un oiseau. C'est un oiseau du Nord qui a joué dans le Nord de la France et qui a mis une très belle lucarne à Fabien Barthez contre toute attente depuis le corner gauche. C'est un, Philippe Bergeron. C'est un peu un aigle, l'aigle des Açores, non? C'était l'aigle des Açores. Voilà. Ah oui. On peut citer le nom du joueur, hein, par contre, ça, on a le droit. Paoletta. Paoletta, il me semble qu'on peut le citer. C'est un très beau joueur de football. Et malheureusement, c'était une très belle lucarne. Coach, vous, un souvenir de lucarne qui vous a particulièrement marqué? J'en ai pas spécifiquement un qui me viendra en tête comme ça, mais par simplement effet d'actualité, celle que notre ami André-Pierre Gignac, qui est un de nos fidèles auditeurs, qui nous écoute d'ailleurs toujours depuis le Mexique. André-Pierre, on te salue. Il nous a mis le week-end dernier une jolie lucarne à la Thierry Henry. Apparemment, moi j'ai vu ça dans un journal célèbre. Quotidien sportif célèbre français, et on en a même fait une sorte de capture avec une flèche qui donnait la trajectoire de la balle. C'était assez impressionnant. En effet, alors cette émission, on démarre tambour battant, nous l'avons remarqué. Et docteur, je vais vous laisser, comme c'est la tradition maintenant dans des bâtons d'Anguirou sur Radio Galère, évoquer le sommaire de cette émission Foot Lucarne. Bien, dans cette émission Foot Lucarne, on va d'abord évoquer un festival de films documentaires qui se déroule donc dans la capitale. Et bien pour ce faire, je peux la mentionner puisqu'il ne s'agit pas d'un point de vue footballistique. Donc c'est un festival documentaire qui se déroule à Paris. Et c'est une nuance dont on n'avait pas vraiment parlé en réunion. Mais c'est un petit peu différent que de mentionner le club de la capitale d'un point de vue footballistique. C'est un lieu, ça n'a rien à voir. Ce sera soumis à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Je saurais me défendre. Donc on va évoquer ce festival, notamment avec un, voire deux invités téléphoniques, ainsi qu'un reportage de nos envoyés spéciaux dans la capitale. Le deuxième point de ce Foot Lucarne, ce sera plutôt un travail autour de la photo, autour notamment de la Panini Mancie, avec le coach qui va nous parler de sa passion pour ces petites cartes Panini qui vont faire le délice des enfants et des plus grands à l'occasion du prochain Euro 2016. Et nous nous livrerons d'ailleurs à cette occasion à une ouverture en direct des petites pochettes Panini acheté par le coach avec ses deniers personnels. Et puis, dans une troisième partie, si on a le temps, on évoquera éventuellement le futur de l'émission, des sujets qui nous tiennent à cœur, en faisant une lucarne en mots et en bulles, sur les émissions futures. Éventuellement, on parlera de l'actualité littéraire et de l'actualité éventuellement BD. Très bien, c'est un très beau sommaire, mon cher docteur. Je vous laisse présenter aussi, si vous le voulez bien, la personne que l'on va écouter maintenant, qui nous a produit un petit reportage sur ce festival, donc La Lucarne, festival de cinéma. Je ne sais pas si c'est que documentaire, peut-être ça l'est, mais il me semblait qu'il y avait aussi un peu de fiction. On aura des précisions dans le cadre. J'imagine. C'est donc un de vos disciples qui a produit ce reportage. Oui, ce sont nos envoyés spéciaux donc dans la capitale. Il s'agit d'Adrien Absolu et du fidèle Didier. Ah, Didier de la partie, bien sûr. Didier est surtout dans un registre technique, comme sur le terrain d'ailleurs. On l'entendra moins que Adrien Absolu, qui, on va le voir, manie avec perfection le micro. Oui, donc on est au point éphémère vendredi soir, dans une heure et demie la première projection du film, donc dans le cadre du festival du film documentaire sur le football va démarrer. On est avec un organisateur qui va donc peut-être nous donner quelques éléments d'ambiance sur les enjeux autour de ce festival, l'histoire du festival, et puis comment s'est faite aussi la programmation des documentaires. Alors déjà, on a affaire à qui par rapport à l'organisation? Moi, je suis l'un des fondateurs, en fait, et je dirige l'association qui organise le festival. Je m'appelle Thibaut Maché. Ouais. Donc le festival, en fait, cette année, c'est la 4e édition. Donc la Lucarne, c'est le seul et unique festival de films de football, inspiré à la base d'un festival en Allemagne, à Berlin, qui s'appelle le 11 mm, qui a été le précurseur. Et l'idée, c'est de montrer tous les ans une sélection de films de football qui nous plaisent et dont on pense qu'ils ont un intérêt soit vraiment purement footballistique, soit au contraire pour montrer le football autrement. fait une sélection de documentaires ou de fictions. Ça peut être des courts-métrages, ça peut être des longs-métrages, ça peut être des films français ou étrangers. L'idée, c'est de se faire plaisir, d'avoir des beaux films qui racontent quelque chose. Et à l'issue de ces projections, chaque fois, on a des invités. Généralement le réalisateur ou un journaliste, quelqu'un qui va pouvoir prolonger un peu le débat et répondre et discuter avec le public. Voilà, et puis en plus de ça, on a la chance d'être dans un lieu culturel plus global, le Point Éphémère. C'est pas uniquement une salle de projection. Et donc on fait une exposition d'artistes, on projette aussi des films gratuitement dans un court-métrage, dans le cadre d'un festival off. Puis l'idée, c'est que le lieu soit aussi très agréable, les gens peuvent venir juste boire une bière. Voilà, on est dans des lieux les plus sympas de Paris. Voilà. Et alors sur le choix donc, des sujets vidéo, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui vous envoient leurs bandes? Comment vous faites en fait pour réussir à avoir une masse critique de documents filmés suffisamment importante sur le football? On est quand même sur une niche, même si c'est évidemment le sport le plus populaire qui soit. Est-ce que vous arrivez chaque année à avoir une programmation qui soit quand même qualitative? On essaye. Déjà, on montre peu de films. On en montre entre 6 et 8 par an. On essaye aussi, on n'en montre pas que des films qui sont récents. Si on découvre un film qui a 15 ans et qui est super intéressant, ben on va le montrer aussi. Et surtout, on va montrer des films, comme je disais, qui ne sont pas forcément français. En fait, quand on va creuser un peu en Angleterre, en Allemagne, en Scandinavie, cette année, on a deux films scandinaves. Mais ils seront sous-titrés, rassure-moi. On les sous-titrerait, bien sûr. Et d'ailleurs, il y en a, je crois, 3 cette année qu'on a sous-titrés, nous, parce qu'ils n'existaient pas. Donc, le seul moyen de les voir en sous-titré français, c'est ici, projection. D'accord. Demain. Et alors, un petit mot peut-être un peu plus précis sur le documentaire qui va être projeté ce soir. Le pitch, en quelques mots. Donc, ça se passe en Allemagne, ça s'appelle Zweikämpfer. C'est possible, l'accent est vraiment magnifique. The Offsider, nous on l'a titré en anglais, mais voilà, c'est un documentaire sur les joueurs au chômage. Ouais. Les joueurs qui ne jouent pas la Ligue des Champions, qui végètent un peu en D2, en D3, ouais, qui cherchent un club, qui sont sans contrat, et ouais, qui du coup continuent de s'entraîner l'été, qui sont un peu sur Internet à chercher. Ouais. Voilà. Donc on montre un peu cet envers du décor parce que ouais, y a ceux qui percent et il y a ceux qui sont un peu plus en galère. C'est un film qui va faire aussi même, on peut dire, le jeu de Jean-Luc Mélenchon, qui montre que même dans le milieu du football professionnel, la précarité existe en Allemagne. Exactement. Très bonne blague. Je n'ai rien à rajouter à cette blague. Il y a du chômage en Allemagne, ça arrive. Merci donc. C'était Didier et Adrien pour Radio Galère qui interviewait Thibaut Maché. Merci. Sinon. Écoutions donc, pour le plus grand bonheur de nos auditeurs, Adrien Absolu et son reportage interview au festival La Lucarne. Et il se trouve que nous avons la chance d'être en ligne très précisément maintenant avec Guillaume Blot. Guillaume Blot qui est entre autres photographe, il a bien d'autres cordes à son arc. Et Guillaume Blot exposait pendant ce festival La Lucarne, il exposait son projet Buvette. Et on va discuter un petit peu avec lui de ce projet-là, de ce travail photographique. Bonsoir Guillaume, est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir Marseille, je vous entends très bien. Comment allez-vous ? Ça va, je suis à Paris actuellement, sur mon canapé, donc loin des stades. Loin des stades, une fois n'est pas coutume. Je sais que vous êtes par ailleurs passionné vous-même de football. Ce projet Buvette de stade n'est pas de rien, j'imagine. Non, c'est vrai que en fait, le foot pour moi c'était depuis tout petit. En fait, je suis avec mon père, je suis originaire de Nantes, donc j'ai grandi à côté de la Beaujoire, et c'est vrai que déjà ces ambiances tout jeune m'ont façonné, et après j'ai évolué et en regardant toujours les matchs évidemment des Canaries, un petit peu de Marseille aussi, puisque j'ai vécu pendant 3 ans pas très loin du coup Westendorf, et du coup voilà, j'ai pris plaisir à creuser un petit peu plus ce sport sous un angle un petit peu disons différent que le simple rectangle vert, et c'est vrai que rencontrer les buvettes, c'était un élément qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai commencé ce projet maintenant il y a environ 1 an et demi. Vous avez commencé ce projet il y a 1 an et demi, vous le dites. Et a priori aussi, dans tout de suite l'idée que ce soit plus ou moins publié, on voit sur votre site les parutions. Et vous avez notamment un partenariat avec SoFoot qui est important depuis le départ sur ce projet-là. Ouais, c'est vrai. En fait, j'aurais parlé du projet d'emblée, en fait, en janvier 2015, avant même de commencer à prendre les rails. Je leur ai dit voilà, que j'avais en tête ce projet de faire un tour de France des buvettes de stade et que je pouvais, pour chaque table, essayer de mettre en avant trois chroniques de buvettes que je considère, disons, pour chacune atypique, historique, voire même super bonne. C'est en fonction de mes rencontres. Et ils ont bien accroché sur l'idée. Du coup, j'ai commencé à faire une première arène et j'ai essayé d'enchaîner pas mal pour en sortir 4-5 en stock. Et en fait, la première est parue il y a environ maintenant un an. C'était à l'époque où Metz jouait en Ligue 1, puisque je me suis quand même concentré sur la Ligue 1. Donc, il y a eu une buvette un peu de teasing avec Metz fin mai. Puis après, ça a été à partir de début août où là, j'ai diffusé au compte-goutte, en fait, une dizaine de stades environ. Alors, ce projet naît, j'imagine, vous venez de le raconter, de votre amour du foot et aussi des à côté du foot, des ambiances du foot et donc de l'ambiance qui peut naître autour de la buvette avant et après le match. Est-ce que on voit sur votre site, encore une fois, qu'on va citer, hein, buvette.com, que vous êtes allé à Caen, à Guingamp, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Metz, vous venez de le dire, à Nantes, bien sûr, à Rennes et à Saint-Etienne, donc essentiellement des grands stades de Ligue 1. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier que vous auriez envie d'évoquer avec nos auditeurs, un souvenir de buvette? C'est vrai que... Moi, une buvette que j'ai particulièrement aimée, en tout cas le stade, c'était Rennes, puisque c'est pas très loin de Nantes. Et là-bas, il y a un des produits les plus emblématiques, je dirais, que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire la galette saucisse. Donc voilà, j'ai de bons souvenirs à Rennes. Après, j'ai un autre très bon souvenir à Marseille, où j'étais venu il y a environ un an. C'était un Marseille-Reims, donc quasiment la même affiche exactement que ce week-end. Donc il y a eu match nul, je me souviens, il y a un an. Et donc je rodais autour du Vélodrome. C'est vrai que c'est un stade en fait qui était assez long à faire, puisque faut vraiment faire le pourtour en entier quasiment, alors que la plupart des autres stades sont vraiment il y a un parvis où les buvettes se concentrent. Et je me souviens en fait que je cherchais une troisième buvette, j'en avais déjà deux dans mon noté sur mon calepin, et j'ai décidé de m'aventurer plus vers un petit bar qui était pas très très loin, et le bar du coup qui s'appelle l'Olympe, que vous devez peut-être connaître aussi. Si jamais vous fréquentez un peu les environs, et là je suis tombé en fait sur René Malville, figure locale. Du coup voilà, on a bu quelques verres ensemble et j'ai pu voir le match avec des supporters qui étaient dans son entourage en tribune. Donc c'était voilà, un bon souvenir. Alors pour décrire un peu vos photographies à nos auditeurs, et après je donnerai la parole au coach, membre du dispositif de Débattons d'Anguirou, qui a un regard aiguisé sur tout ce qui est travail plastique et artistique. On constate que, bien sûr, vous mettez en scène la buvette en tant que telle, c'est-à-dire la structure, l'architecture de la buvette, qui est souvent de belles couleurs et de belles typographies, mais aussi beaucoup les gens, puisque on sent que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce lieu, hein, de fête autour du stade, c'est les tronches, c'est les gens, c'est l'activité, c'est la frite, la merguez, la saucisse, etc. Donc c'est vraiment aussi ça que vous avez voulu mettre en avant dans votre travail. Oui, tout à fait. En fait, le projet buvette, il est, disons, multi-contenu. Il y a d'abord les chroniques qui sont diffusées sur softfoot.com. Après, il y a tout cet aspect aussi très graphique, photographique, que j'essaie de capter quand je me rends autour des stades. Donc j'essaie de prendre, voilà, des supporters qui mangent, soit de manière un petit peu volée, soit parfois je leur demande si jamais ils m'ont repéré en amont. Donc j'essaie, voilà, c'est des moments en fait assez faciles à prendre en photo, puisqu'il y a une forme d'émulation, ils sont en groupe, ça se chambre un peu, ça taquine, et du coup quand ils voient un photographe, ils aiment bien, comme ils sont un petit peu dans une forme de rôle avec leur maillot qu'ils mettent avant les matchs, donc ils se sentent un petit peu forts, et du coup c'est plus facile pour moi effectivement de prendre des photos des belles scènes de bouffe, on dirait. Du coup, voilà, on retrouve pas mal de supporters qui mangent sur les photos autour des stades. Alors, coach, je vous laisse la parole si vous vouliez interroger notre invité Guillaume sur le côté plastique un peu de son travail. Bah, sur le côté plastique, pas forcément, mais moi, il y a deux questions qui me sont venues à l'esprit en voyant les photos. La première, c'est qu'à Marseille, vous avez rencontré Harry, qui est l'ours d'or de la ville de Bonn, qui est aussi une des mascottes de chez Haribo. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait une buvette Haribo ce jour-là? Alors, il n'y avait pas de buvette Haribo, mais il y a eu un moment assez fort où voilà, nos regards se sont croisés et je me suis dit que ça valait le coup de lui aussi de le mettre dans ma sélection et surtout que Haribo ça reste de la nourriture même si c'est très très très sucré. Voilà, je voulais le mettre en avant dans ma série. Et sinon, la seconde chose, c'est, par rapport aux buvettes, moi j'ai l'impression que la buvette, c'est quand même un endroit assez particulier puisque c'est les alentours du stade. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a beaucoup de gens qui est avant la rencontre, et il y a un moment donné en fait, où les buvettes doivent être complètement désertes, c'est-à-dire quasiment délaissées puisque tout le monde est parti dans le stade et finalement, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de passages. Est-ce que ces moments-là, justement, ces moments un petit peu de désert et d'attente, est-ce que vous les avez pris en photo aussi? Parce que j'ai vu qu'il y a une photographie où on voit un sol goudronné, recouvert de frites, comme s'il y avait une sorte de message qui avait été dessiné. Et est-ce que donc ce moment d'attente, qui est le moment du match, est-ce que vous l'avez pris en photo aussi? Est-ce que ça vous a intéressé de le prendre en photo? Ça m'a pas forcément venu à l'idée jusque-là, mais effectivement, ce serait intéressant de creuser ce moment un petit peu de 2-3 minutes avant la rencontre où les gens se pressent vraiment pour quand même acheter une barquette de frites, même si voilà, le coup d'envoi est donné dans les minutes qui suivent. Donc c'est pas si facile à prendre en photo, mais effectivement, je pourrais peut-être maintenant m'intéresser plus sur les prochains stades éventuellement que je ferai, essayer de capter ce moment de vitesse, d'absence, de déchets aussi, parce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont laissés après le passage. Le docteur va vous poser une question également. Oui, moi j'ai envie de vous poser une question. Bonsoir d'abord. Donc vous avez publié en fait des photos, diverses photos autour des buvettes, mais le problème du passage à une exposition... Par contre, c'est un écho, je ne capte pas très bien. Ah. Excusez-moi. Vous nous entendez... Je crois que je vous ai perdu, attendez. Ah. Vous avez perdu le docteur? Vous ne nous entendez plus, Guillaume? J'entends saccader, pardon. Ah. Aïe. Concentrez-vous, Mathieu. On va essayer de retrouver le signal. Pendant ce temps-là, on va peut-être passer la deuxième partie du reportage d'Adrien Absolu, si vous le voulez bien. C'est pas mieux. On va recontacter Guillaume et puis on va essayer de l'avoir mieux. On écoute donc la deuxième partie de ce reportage d'Adrien Absolu sur la lucarne. Et puis on revoit si on peut faire mieux au téléphone. Et Didier à la technique. On sort à l'instant de la projection du premier film documentaire dont on vous a parlé tout à l'heure. On était assez guilleret et là en fait on est un peu plus mélancolique hein, parce que le film qu'on vient de voir est finalement relativement dur par rapport à ce qu'il décrit de la destinée de 4 joueurs qui étaient des joueurs professionnels qui ont joué en Bundesliga et donc dont la carrière se termine de manière un peu pas pathétique mais en tout cas difficile. Bon, difficile socialement, difficile moralement, même difficile physiquement pour deux d'entre eux, puisque c'est une lésion du genou qui met fin à leur carrière. Un petit ressenti sur ce qu'on vient de voir, Anno. Moi, ce que je trouve qui est très joliment dit dans le film, c'est que, en fait, quelque part, on n'est pas dans le côté shiny du football. Il y a des questions qui étaient posées sur, oui, ce business qui brise des vies, des carrières et tout. Je trouve que ce qui est joli là, et qui est... finalement assez subtil et émouvant aussi, c'est que en fait on voit surtout on voit des solitudes qui se rencontrent, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on voit des solitudes qui se rencontrent et on sent, moi en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on sent que ces joueurs quand ils arrivent dans ce stage, ils sentent déjà que c'est un peu la fin quoi. Donc c'est vraiment l'histoire de 4 fins de carrière plutôt que des envolées quoi. On sent qu'ils ont envie d'y croire. Donc pour préciser, le film qui a été diffusé ce soir, c'est un peu l'équivalent de l'UNFP en Allemagne, donc l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. C'est des footballeurs qui n'ont pas de contrat à l'intersaison et donc ils s'entraînent durant l'été pour garder un certain état de forme et qui espèrent tous les jours que le téléphone va sonner. Voilà. Et finalement, on suit le destin de 4 footballeurs pour lesquels jamais le téléphone ne sonne. C'est ça. Exactly. Thank you. Donc je suis au point éphémère devant un grand mur de caricatures de joueurs de football. Donc on voit là Petr Cech, on voit là Ozil, Pogba, Lichtsteiner, Kérésou, des gens venus de toute génération et de tous horizons. Mais le plus réussi, c'est probablement Buffon. C'est pas une caricature en fait, c'est plutôt un portrait assez fidèle à la beauté du grand gardien italien, et qui est réalisé dans des teintes un peu pastel, et on a presque l'impression de se trouver face à une toile de Klimt, avec les cernes qui sont très marquées, le regard bleu horizon perdu dans le vague, la petite pilosité un peu virile de Gianluigi. C'était donc la deuxième partie du reportage d'Adrien Absolu au Festival à Lucarne. Je crois qu'on a retrouvé Guillaume Blot au téléphone. Guillaume, vous nous entendez de nouveau ? Oui, c'est bon de nouveau, pardon. Bon. Non, non, il n'y a aucun problème. On sait que les liaisons téléphoniques sont parfois douteuses. Le docteur souhaitait donc vous poser une question. Oui, donc je souhaitais savoir comment vous aviez fait pour effectuer votre sélection dans le cadre d'une exposition, puisque ce qui est difficile, c'est d'une part de figer une atmosphère qui est celle des buvettes, puis d'autre part, il y a tout le travail évidemment plastique autour de la buvette. Donc comment vous avez fait ce choix, notamment dans le cadre d'une exposition restreinte comme celle de l'espace éphémère ? Oui, alors j'ai fait le choix de prendre une photo par stade visité. Donc j'en avais une douzaine, on a convenu après en fonction de l'enveloppe que j'avais, j'avais le droit à 11 photos, donc j'ai sélectionné 11 stades, 11 photos, et j'ai essayé de faire une forme de medley entre à la fois des supporters, à la fois des buvettes physiques, à la fois des frites tombées sur le sol. C'était un travail d'essayer de trouver être assez exhaustif, on va dire, dans les scènes de vie possibles autour d'une buvette de stade, et également essayer de mettre en avant chaque stade que j'allais visiter. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté d'être notre invité téléphonique. Est-ce que, parce que ça c'est une information que j'ai pas réussi à voir sur le site de la Lucarne, est-ce que l'exposition a été visible seulement pendant le festival, ou est-ce qu'on peut encore la voir actuellement ? Alors l'expo était visible effectivement pendant les 3 jours au point éphémère. Elle va être de nouveau visible dans un bar à Aubervilliers, en banlieue parisienne, pendant un mois, le temps de l'Euro. Et après, il y aura un événement qu'on est en train d'organiser au point éphémère pendant l'Euro du 10 juin, donc au 10 juillet, avec un autre collectif, entre guillemets, où on diffusera des matchs et on fera venir des chefs, des pays qui s'affronteront. Voilà, ça va être un événement culinaire qu'on organisera avec Buvette pendant le mois de juin. On peut citer peut-être le bar dans lequel l'expo sera visible ? Alors, j'ai pas le nom, c'est en pleine construction. D'accord. C'est un bar qui va s'ouvrir dans pas très longtemps, c'est encore tout frais, donc j'ai pas le nom à vous communiquer, malheureusement. Bon, de toute façon, nos auditeurs pourront trouver, j'imagine, l'info sur votre site, qu'on rappelle, notamment buvette.com. C'est là qu'on peut voir ce travail spécifique sur les buvettes. Je sais aussi que vous aviez un autre travail qui consistait à prendre une photo tous les jours à la même heure. Je ne sais pas si ce projet continue. Ah, c'est sympa d'en parler. Effectivement, on avait avec un ami lancé le projet 20h15. C'était pendant toute l'année 2015. On avait mis un H entre le 20 et le 15. Et chaque soir, à 20h15, on prenait une photo des scènes de vie. Et effectivement, ça a duré pendant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015. Maintenant, c'est plutôt une exposition. Donc là, je connais le bar. Elle est actuellement à Paris, au 30 avenue Parmentier, donc dans le quartier de Parmentier. Donc on a fait une sélection de photos, voilà, pareil, emblématiques de scènes de vie qui peut se passer à 20h15, sachant que c'est un moment où il y a la lumière qui évolue et il se passe beaucoup de choses entre l'apéro, entre les sorties de boulot, entre un match de foot et autres. Donc voilà, c'était un projet qu'on a pris plaisir à poursuivre et maintenant qui est visible via une expo. Merci beaucoup, Guillaume. On va continuer, nous, cette émission en revenant peut-être un petit peu sur le reportage d'Adrien Absolu. Le docteur va pouvoir nous en dire deux mots. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre intervention et on vous souhaite bonne route. Merci à vous, Marseille. À bientôt. À bientôt. Il est sûr que je ne suis pas le plus à même de parler de ce reportage et notamment de ce qui est évoqué dans le reportage. À savoir la diffusion de documentaires sur le foot. Donc il parlait d'un documentaire notamment qui s'appelle The Offsider ou Zweikämpfer dans la langue originale, et qui évoque au final bien le destin brisé de ces footballeurs sans club, de ces chômeurs. C'est vrai qu'on en a connu par le passé en France. C'est un des aspects qu'on oublie un petit peu, c'est que les footballeurs sont aussi parfois des prolétaires, sont aussi parfois des gens qui ont besoin de travailler, notamment dans les divisions inférieures. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce côté social dans un festival comme celui-là. Et c'est un petit peu aussi ce que nous, on essaie de montrer à notre manière dans Des bâtons d'Anguirou, c'est-à-dire les envers du football. Est-ce que, cher invité, vous vous êtes un peu renseigné sur ce festival? Je sais que vous êtes féru de cinéma également. Et est-ce que vous avez regardé un peu la programmation en détail du festival La Lucarne? Alors, j'avoue que j'ai regardé très peu la programmation de cette année. Et j'ai plutôt regardé l'historique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de la qualité de ce qui est proposé? Alors, j'étais très déçu de rater, en fait, ah, le festival. Je ne sais pas s'il est à chaque fois en fin du mois d'avril. Il semblerait que ce soit à cette époque-là. Mais oui, très, très déçu de l'avoir raté. Maintenant, je sais où c'est et il y a des chances que j'y passe. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont fait écho, par exemple, que vous auriez aimé voir, des films dans d'autres éditions de ce festival que vous aimeriez voir, que vous aimeriez par exemple qu'ils soient présentés à Marseille, pourquoi pas dans le cadre d'un festival un petit peu similaire que nous pourrions monter, qui sait? Un festival des bâtons d'Anguirou, vous voulez dire? Je ne sais pas. Ça peut être une sacrée bonne idée. Comme ça, rien ne me vient là. Je suis trop néophyte sur la chose. Bah écoutez, coach, si vous n'avez rien à rajouter sur ce festival La Lucarne, je vous propose d'écouter un premier morceau de votre sélection musicale du soir. Sur mon fichier, j'ai Little N'importe Quoi. Voilà, c'est une chanteuse dont le nom d'artiste est Little. Et le titre de la chanson, bah, c'est N'importe Quoi. Allez, bah c'est parti. Papa, maman, rassurez-vous, je suis sage. Je sors un peu, je l'avoue, mais à mon âge, il est bien normal de s'amuser un poil tant qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais je fais n'importe quoi. J'ai bien tenté les échecs à tous les coups, mais ce fut un bel échec à tous les coups. Je veux tout avoir, mais je n'ai rien du tout, et du coup, je fais n'importe quoi, oui, je fais n'importe quoi. Je me lève dans 2 heures pour aller en cours. C'est pas comme si j'étais encore à la bourre. Je ne dors plus la nuit, mais je ne dors plus le jour. Et je fais toujours n'importe quoi, oui, je fais n'importe quoi. Je griffonne sur des feuilles de papier. Quelle bouffonne, je dessine comme un pied. Je devrais songer peut-être à un autre métier pour ne pas finir bête et condamnée à faire du n'importe quoi. Et je rêve de questions existentielles. Quand on crève, monte-t-on vraiment au ciel? Je me pose des questions un peu rose bonbon. Est-ce bien, est-ce mal, ou m'est-ce égal si je fais n'importe quoi? Les mots, je les connais sur le bout des doigts, mais les notes, elles m'échappent un peu parfois. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je ne sais pas, le solfège et puis tout ça. Moi je fais n'importe quoi. Quoi, je fais n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi je ferais n'importe quoi? Car pour toi je ferais n'importe quoi, mais je crois que je le fais déjà. J'aime le poisson pané pour le tanner, et je t'aime mais quand c'est pour dépanner. Et même si nous deux c'est un peu n'importe quoi, de tourner n'importe quoi. Mon tout préféré c'est toi. C'était donc Little hein, qu'on écoutait dans Des bâtons d'Anguirou. Spécial foot Lucarne, un choix pour le moins curieux du coach, mais le coach avait décidé de faire n'importe quoi ce soir dans sa sélection musicale. On va lui donner la parole, au coach, tout de suite. Il va préparer une croquine un peu spéciale ce soir, une croquine qui va nous mettre un petit peu à contribution. J'ai l'impression, docteur et mon cher Florent, invité spécial et prestigieux de cette émission. La lucarne, c'est aussi un petit peu la lorgnette, la vignette, on va dire, le petit cadre par lequel on regarde. Et vous avez trouvé un exemple parfait footballistique de ce petit cadre. Oui, la lucarne, c'est un peu aussi finalement le dernier espace de liberté que peut avoir un enfant qui est enfermé à la cave. Et alors peut-être qu'avant de faire ma croquine, je sais que notre invité nous a fait un petit historique des figurines Panini, donc peut-être qu'il serait plus cohérent de commencer par l'historique. Puisqu'il c'est de ça dont il s'agit, les figurines, les vignettes Panini. Les vignettes Panini. Alors Florent, on vous écoute, vous êtes vraiment bien renseigné sur ce sujet-là pour nous ce soir. Oh, si peu. Donc la famille Panini, dans les années 50, avait une maison d'édition à Modène, en Italie. Et pour mieux vendre leurs journaux, ils ont décidé de glisser des photos de footballeurs dans chacun des quotidiens, s'inspirant de celles qu'on pouvait trouver dans les tablettes de chocolat. Dans les années 60, ils décident de vendre les vignettes cartonnées à coller soi-même avec de la colle UU et à coller dans un album dédié, Il Cacciatore, qui concernait simplement le championnat italien. Dans les années 70, l'image autocollante fait son apparition et le marché s'internationalise, jusqu'en 76, où le premier album pour la Coupe d'Europe des clubs champions apparaît. Aujourd'hui, le Panini, ils sont quatre frères, il y a trois usines dans le monde, et ils font un chiffre d'affaires extraordinaire, grâce à cette petite idée de vendre des vignettes autocollantes. Et oui, alors parce qu'en plus, aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement des joueurs de foot. Hein. Je crois que Panini s'est complètement généralisé à tout autre sujet, que ce soit les mangas japonais, les séries américaines, etc. Il me semble exactement, les chevaux, les chats, les chiens, oui. Les dauphins. Il y a même une série sur la musique country américaine. Ah, voilà. C'est un album que vous possédez vous-même, coach ? Non, seuls les véritables aficionados de Panini possède. Vous savez, moi, je ne m'intéresse qu'au foot. Ouais. Rien à voir avec les petits pains. Voilà, parce que vous qui êtes un peu boulanger dans l'âme, docteur, j'imaginais que ça allait vous exciter un peu. Je me suis posé la question et figurez-vous que je suis un grand adversaire du Panini, puisque figurez-vous que le Panini comporte quasiment toujours du fromage à l'intérieur. Donc c'est une question sur laquelle je ne m'étendrai pas. Y compris les panini desserts, un peu chocolat banane par exemple. Ah, je ne me suis pas penché là-dessus, mais c'est vrai que je ne suis pas expert en dessert. Peut-être que le coach pourra corriger une nouvelle fois un de mes petits errements. Alors vous avez dit, Florent, que l'année 1976 marquait finalement le premier album qui s'internationalisait. C'est bien ça que exactement. J'ai compris. C'était pour la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est ça. Ça s'appelait encore la Coupe d'Europe des clubs champions. L'ancêtre de la Ligue des champions actuelle, qui était bien plus intéressante, je crois. Et était-ce l'épopée des Verts en 76 ? Exactement. Ah, donc on a du Rocheteau sur cet album Panini. On a du Rocheteau. Coach, je sais pas si vous êtes supporter des Verts, vous êtes quand même plutôt sur le FC Sochaux-Montbéliard, vous, normalement, mais on va vous écouter aujourd'hui pour cette croquine. Oui, donc c'est une croquine qui s'appelle le Panini Prophète Mortadelle. Alors j'ai choisi donc ce lundi soir de vous parler des albums Panini, hein, mais donc de ces fameuses vignettes autocollantes, donc ces stickers dans leurs blisters, ninipa, comme on dit aujourd'hui dans la rue. Donc j'ai choisi de vous parler des albums Panini, mais pas de manière nostalgique, avec une histoire de jeunesse dorée comme une madeleine chaude et insatiable, où je déterrerai les cours de récré des années 80-90, à s'entraîner au trading d'images et à faire l'apprentissage de la crise financière et du désir en ruine. Ces vieilles saisons d'enfance où on apprenait à lire que Daniel Xuereb est né le même jour que moi. Non, alors il faut quand même se dire que ce qui est assez beau hein, avec Panini, c'est que malgré Internet aujourd'hui, un peu à l'image de la Madeleine de Proust, le phénoménal entichement de l'album Panini se dément pas. Or qu'on pourrait se dire que justement Internet aurait pu tuer Panini, et non pas du tout au contraire. Et je trouve que c'est assez remarquable, d'ailleurs c'est assez remarquable pour être louche. C'est pourquoi je ne parlerai pas non plus de cette astuce incroyable de la maison Panini, qui est de fidéliser sa jeune clientèle grâce aux émanations de la colle des vignettes dont ils avaient le secret. Cette colle au dissolvant sniffé à chaque fois que l'on défait le dos de l'image pour la plaquer dans l'album, cette colle invisible qui imprègne le papier et que l'on inhale par bouffée chaque fois que l'on ouvre ce même album et dont le parfum volatile s'affadit un peu plus chaque fois, plongeant son juvénile propriétaire dans les afflictions terribles du manque. Cette colle qui pique le nez et le fric et qui provoque cette addiction maligne à des visions enivrantes de football qui pousse à une consommation toujours plus excessive, à échanger toutes ses affaires comme son petit tricycle par exemple, à faire les devoirs des autres contre rétribution, voire à voler la monnaie des courses, jusqu'à troquer son âme pour les inédits planqués au fond des coffres-forts suisses de la mafia Panini. On n'imagine pas tout ce que cela a provoqué dans l'inconscient collectif des petits mâles de tous les pays du monde, tous les troubles psychologiques, toutes les névroses psychiatriques, toutes les déviances existentielles, tous les pervers polymorphes, toute une joyeuse collection de pathologies mentales qui ferait un magnifique album si on les traduisait en images. Pour vous donner un bel exemple de l'expression de cette folie déficiente qui peut s'emparer à tout âge d'esprit faible, jetez un œil compatissant aux innombrables vidéos et autres chaînes YouTube un peu monstrueuses consacrées à l'ouverture de pochettes Panini. Ouverture de pochettes Panini, d'ailleurs, à laquelle nous allons nous consacrer tout à l'heure. J'ai bien compris ça, oui. Et je précise que si vous regardez ces vidéos, attention, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Alors j'ai choisi de vous parler des albums Panini, mais plutôt de vous en parler de manière mystique, ésotérique, spiritualiste, alchimique, magique, occulte, voire complètement hermétique. Alors peu de gens le savent, mais il existe certains consultants des hautes sphères du milieu du football qui croient que les autocollants Panini ont la capacité de prédire l'avenir des joueurs. Ils font partie de cette catégorie d'experts éclairés très prisés qui agissent dans l'ombre, ceux que l'on appelle les vrais sorciers du football. Ces sorciers véritables sont autant de médiums suprahumains doués pour déchiffrer les signes et communiquer avec le monde des esprits. Et pas seulement les charlatans connus de tout juste bon dans les arcanes footix, un tarot divinatoire avec des billets de banque à la place des cartes. Non, nos bons chiromanciens ont établi une méthode de lecture divinatoire sur cette iconographie footballistique Panini digne de la cafédomancie, qui est la divination par le marc de café, mais aussi digne de la claviculomancie, qui est la divination par la rupture d'un bréchet de poulet, mais aussi digne de l'actuo-agricolomancie, qui est la vie de divination par les aiguilles dans une meule de foin, qui est aussi digne de la bibliopipomancie, qui est la divination par la lecture au hasard d'un texte sacré religieux, ou encore digne d'une technique de divination que nous pratiquons à chaque réunion de travail pour des bâtons d'anguirou, qui est l'alcoolomancie, qui consiste à la lecture de l'écume de la bière sur les parois des verres de bar. Bon, là, je m'égare un peu. Alors, je reviens à Panini. Donc, cet art divinatoire dont je vous parle, ce spiritisme savant à partir de vignettes autocollantes, s'appelle la paninimancie, qui est l'art de lire l'avenir dans ses photographies de footballeurs en tenue trois pièces, maillot, short, chaussettes. C'est l'art de percer les secrets de prédiction de leur future carrière dans les portraits clichés qui tapissent les albums rutilants et les parois des frigos. Donc lire le passé, c'est facile, il suffit d'ouvrir les vieux albums, mais connaître l'avenir, les lendemains glorieux et oubliables, interroger la postérité ou l'imposture avant même que l'avènement de ce futur postérieur, cela demande un troisième œil aussi virtuose que clairvoyant. Alors, j'avoue ne pas trop posséder le savoir-faire technique des omnipraticiens, mais je sais que la paninimancie laisse parler notre sensibilité, notre imagination, notre intuition, notre intériorité extrinsèque, et nous permet ainsi d'interpréter des images irrégulières, schématisées et aliénées. Je peux néanmoins donner quelques exemples de translations kabbalistiques de cette iconophilie adhésive. Par exemple, il faut repérer dans l'image la luminosité du soleil. Le soleil levant, le midi, le crépuscule, le couvert nuageux, hein, pas un de vous faire un dessin météo, l'astre solaire est un symbole tellurique tellement puissant. Vous avez aussi la teinte de la pelouse qu'on peut voir en arrière-plan. L'herbe étant toujours plus verte ailleurs, une faible dynamique chromatique du vert indique un transfert proche dans le temps vers l'Angleterre. Sinon, les lignes de composition, notamment le rapport front-horizon, si on aligne les vignettes sur plusieurs années pour un même joueur, mises côte à côte, cela permet de déterminer s'il grandit et s'élève dans le milieu ou si au contraire il s'enfonce dans le sol. Vous avez aussi le paysage en arrière-plan, la présence de cheminées sont un signe de voyage qui s'interprète par le fait que le joueur va souvent changer de club. Celle d'arbres ou de buissons sur le terrain cache quelque chose. Celle d'un iceberg promet d'être fatale. Et la présence d'oiseaux dans le ciel, le canard par exemple, est synonyme d'importantes rentrées financières. Il faut aussi repérer la position du corps et son orientation. Donc celui qui regarde à droite regarde vers le futur. Vous avez la position des doigts, là, qui on rentre dans une iconographie classique digne de la Renaissance, donc qui renvoie donc à une longue histoire. Vous avez la main qui bénit, la main de miséricorde, le poing crispé de l'animal qui renonce son combat, la main qui joue de la flûte ou la main qui branle une manette de PlayStation, etc., etc. Vous avez aussi la pilosité et la coupe de cheveux, mais sur le sujet, je ne reviendrai pas. Il suffit d'écouter notre magnifique émission. Des bâtons d'anguirou, foot et poil, que vous trouverez sur notre merveilleux site Facebook. Oui, tout à fait. Merci coach pour cette publicité. Vous avez aussi donc la présence de bijoux. Donc une croix peut être de très mauvaise augure et une montre indique que le joueur peut se faire acheter. Vous avez aussi la carte du ciel des boutons d'acné qui permet donc d'établir une astrologie dermatologique pour calculer le thème astral du joueur. Vous avez bien sûr, il y a aussi le sponsor sur le maillot, une marque de sport, une marque d'électronique dernier cri, une marque de charcuterie porcine, marque d'Orcel ou bien une agence de voyage pour paradis fiscaux. Tous ne délivrent pas le même message, bien entendu. Il y a des sponsors, excusez-moi coach, sur les maillots des équipes nationales ? C'est assez rare, je pense. Hein. Moi, je crois pas, mais bon, on verra bien en ouvrant nos vignettes tout à l'heure. Hein, Mais il n'y a pas que des vignettes Panini sur des équipes nationales. Oui, il y a tous les championnats du monde. Bien sûr, vous avez raison, mais c'est vrai que je me suis focalisé sur celle que vous nous avez remise en début. Oui, parce que nous essaierons de déterminer l'avenir de l'euro. Voilà, tout à fait. Excusez-moi, je vous ai coupé pour rien. Et vous avez aussi, bien sûr, ce qui relève de l'inframince, de l'imperceptible, de l'absence, de la vision multidimensionnelle. Donc les images manquantes dans les grilles des pages, les vignettes collées de travers ou au mauvais endroit, les doubles, les triples que personne ne veut échanger, les images de joueurs associés à des équipes nationales qui sont blessés ou qui ne sont même pas sélectionnés pour les grands événements internationaux qui font des albums, et tout un tas d'autres formes de signes qui s'enchaînent les uns aux autres, qui divaguent en arborescence subjective et s'amalgament en rhizomes sociaux pour décrypter la schizophrénie révolutionnaire du destin. Cela peut paraître absurde à tous ceux qui parmi nous répondent aux seules injonctions du pragmatique Dieu des trois points, et pourtant, l'album Panini offre au regard la vision représentative, à la fois iconographique, symbolique et de fait politique, d'une certaine jeunesse bourrine dans la force de l'âge. Ce n'est pas un détail de l'histoire à prendre à la légère, même si on est entré dans la quatrième dimension. Seulement voilà, on note qu'avec les années, donc notamment une évolution sur ces dernières années, la prise de vue et la composition des photographies pour Panini s'est systématisée et simplifiée dans un formatage produit digne d'un catalogue de promo couche-culotte à Leader Price. Cette voie d'abstraction qui pisse bleu et passe les trognes dans un moule uniformisant au visage photoshopé sur fond vert n'offre plus aux augures extralucides les petits détails où Dieu cache la destinée. Il a fallu adopter la médiologie Panini à cette poupée barbisation des esprits et entraîner les vignettes dans un jeu divinatoire balistique et insondable proche de la cartomancie du tarot de Marseille avant de sombrer dans l'anesthésie du système. Et c'est donc un peu ce système, cette technique un peu d'occultisme de la cartomancie du tarot de Marseille appliquée à Panini que nous allons ce soir avec notre équipe, notre team de chamans un peu rebouteux et bonimenteurs des bâtons d'Anguirou, faire un petit essai en commençant déjà par ouvrir en direct. On ouvre donc maintenant des pochettes des bâtons d'Anguirou. Alors je pense que ce qu'il faut faire, c'est que chacun à notre tour, nous allons les ouvrir et énoncer les noms des joueurs qui apparaissent comme cela vient. Bah on vous laisse déterminer du coup, coach, l'ordre. Je propose de donner l'honneur de commencer à notre invité. C'est gentil. Alors je vous avoue que ce matin, j'ai ouvert chez moi quelques paquets que je comptais amener. Mais je me suis retrouvé dans la situation de quand j'étais tout petit et que j'étais très heureux de pouvoir ouvrir mes paquets pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, je crois que vous avez amené vos paquets et que vous les avez classés. Je les ai classés. Vous les avez collés dans l'album ou pas encore ? Pas du tout. Non ? J'ai apporté l'album, oui. J'ai apporté mes petites vignettes que j'ai classées. J'ai reproduit exactement ce que je faisais quand j'étais petit. Mon premier Panini, c'était Mexico 86. Ah. Très beau. Mon grand-père m'avait offert. Et j'étais très triste parce que j'aimais beaucoup Enzo Schifo, que j'avais en quadruple. Mais je n'ai jamais eu Maradona. Et j'étais vraiment très triste de ça. Très difficile à obtenir, j'imagine, Maradona en 86. Très difficile. Quatre chiffres valent-ils à Maradona ? Pour moi, oui. Bah oui, c'est un chouette débat, ça, coach. Ouais, moi, pour moi, oui aussi. C'était un très beau joueur de foot, Enzo Chiffou. Ouais, qui a animé le championnat français, il me semble, dans un club dont on ne mentionnera pas le nom, le club du Rocher, c'est ça ? Oui, et puis le club un club bourguignon aussi. Voilà. On peut en parler de ce club-là, même si on n'a pas vraiment envie. Mais en tout cas, mon cher Florent, vous disposiez d'un certain pouvoir d'achat, puisque vous aviez acheté 25 pochettes de 4 vignettes en 1986. Non, pas à cette époque-là. Ah, pas à cette époque-là. Non, je me suis rattrapé ce matin. Alors, qu'est-ce que nous dit votre pochette actuelle, celle de l'Euro 2016 que nous a confié le coach ? Alors, mon rituel, c'était d'ouvrir le paquet et de prendre mes vignettes à l'envers, côté verso, pour avoir la surprise à chaque fois de découvrir quelle carte j'avais. Est-ce qu'elle était brillante ? Est-ce que c'était un joueur que j'attendais, que j'espérais ? Alors, ma première carte est la numéro 666. C'est le triple chiffre du diable. C'est le triple chiffre du diable. D'un joueur qui joue en Hongrie, à Vidéoton, qui s'appelle Adam Lang. Vidéoton, on se souvient ouais. Bien sûr de Vidéoton dont Bernard Cazeni était jusqu'à peu l'entraîneur. On a quand même un Adam qui est 666, c'est très troublant d'un point de vue catholique. Lang, une famille politique française bien connue je crois. Exactement, avec quasiment les aptitudes du Gémeaux. Ouais. Il y a aussi un Helmut célèbre. Ouais, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On a la taille, le poids, la date de naissance. Et alors, un petit chiffre. Avec 2014, je me demande à quoi il correspond. Je pense que c'est l'entrée en équipe nationale. Ah. Quel suspense. On va vérifier tout ça, hein, ce fameux Adam Lang, puisque nous avons ici une régie qui nous permet de chercher les informations en direct. On va aller voir tout ça. Pendant ce temps-là, on va certainement découvrir les autres vignettes qui composent ce paquet. Le paquet de Florent. Ah, nous avons Phil Jones. Ah, Phil Jones. Joueur de Manchester United. Qui joue donc pour l'Angleterre. Les mensurations de Phil Jones sont-elles indiquées ou on est juste sur la date de naissance ? 21 février 92. 72 kilos, 1m85. Ouais. Ok. Sûrement un latéral droit, jeune, Phil Jones, non ? Je connais pas ce joueur. En tout cas, j'amène une petite précision sur le chiffre 2014. Apparemment, ce serait bien la date d'entrée de Adam Lang, en l'occurrence, dans son équipe nationale. Donc on peut dire que cette date... C'est la date de la première sélection de l'équipe nationale. A priori, oui. Donc 1-0 pour le docteur. Donc pour Phil Jones, ce sera 2011. 2011. Nous avons Ovidiu Oban, qui est roumain. Ah oui. Qui a eu sa première sélection en 2013. Et qui joue au Apel Birsheva. Ovidiu Oban, vous en pensez quoi ? Ovidiu Oban ? Je trouve que c'est un très joli prénom, en tout cas. Une nouvelle fois, voilà, nos amis roumains nous délectent de leur très belle manière d'articuler leur langue. Même si en prononçant son nom de famille à la française, ça fait Ovidiu Oban, ce qui n'est pas très bon signe pour un joueur, d'un point de vue purement neurolinguistique. Est-ce que vous avez une idée de la quatrième ? C'est la première équipe que l'on rencontrera, les Roumains. Ah. Pendant l'Euro 2016. Donc peut-être aurons-nous le plaisir de voir Ovidiu. Puisque je vous rappelle, mon cher Florent, qu'à la suite de votre tirage, vous devez peut-être effectuer un pronostic, une synthèse éventuellement, vue de l'Euro. Nous essaierons de déterminer comme ça, de prédire l'avenir de l'Euro, une fois que nous aurons étalé toutes les cartes les unes à côté des autres, pour essayer de déterminer une lecture comme ça. Le suivant est un Portugais, Danilo Pereira. Alors, le plus connu. Qui, lui, est arrivé l'année dernière en sélection nationale. Il joue où, ce garçon ? À Porto. À Porto. Porto qui, cette année, n'est pas en course pour le titre. Un petit peu en difficulté, je crois bien, oui, oui. Au niveau du classement. Oui. C'est le Sporting du Portugal qui est C'est le Sporting et le Benfica qui sont en tête, là, au coude à coude pour le titre. Alors, ma dernière carte est une carte un peu spéciale. Nous avons deux joueurs présents sur la vignette. Martin Olsson et Sébastien Larsson, les Suédois. Ils sont peut-être engagés en double pour l'Euro. Alors, je crois qu'on a une... Je ne sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas ça n'existait pas en 86. Nous avons des vignettes, des demi-vignettes à coller sur, sur l'album où sont présentés tout en longueur les joueurs de chaque équipe. Alors c'est pour toutes les équipes ou c'est pour certaines équipes seulement ? Alors c'est pour toutes les équipes. Donc en plus des figurines individuelles, on peut former une photo d'équipe, c'est ça que vous nous annoncez ? C'est à peu près ça, oui. D'accord. Oui. Donc, les joueurs sont deux par deux, donc il faut un certain nombre de vignettes pour remplir cet album quand même. Exactement. Oui. Après, je trouve que d'un point de vue purement technique, c'est assez intéressant, puisque ça peut me permettre de décoller une de ces vignettes, ce à quoi je n'arriverai pas avec les vignettes simples, puisque c'est quand même très très dur à décoller. Après, ce qui est en fait intéressant aussi avec ces demi-vignettes, c'est que ça permet de voir finalement le joueur avec son équipement au complet, c'est-à-dire le short, les chaussettes, etc., et pas seulement un portrait télématon sur fond gris comme les autres. En tout cas, l'équipe de Suède ne possède pas de sponsor sur son maillot, en tout cas côté recto. Je crois que son sponsor, c'est en fait l'état de la Suède. Sponsor national. Merci, coach. Nationaliste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mon cher Florent, de ce tirage ? On a un joueur hongrois, un joueur roumain de mémoire, un anglais, deux joueurs suédois et un portugais. Écoutez, je crois que j'ai écarté 5 équipes de la finale. Par votre tirage ? Par mon tirage. Donc il n'y aura pas une grosse surprise selon vous. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mm-hmm. Mais je pense qu'il n'y aura personne en finale. Est-ce égard à la supposée faiblesse de ces joueurs au caractère inconnu, puisqu'il faut bien avouer que, à part Manuel qui connaît ce Danilo Pereira, personne ne les connaît. Je ne le connais pas en fait. Ou est-ce dû à un magnétisme personnel lié à vos doigts qui fait que vous êtes capable de comme ça projeter une sorte de mauvais sort sur les équipes à travers des images ? Non, je crois que je ne suis responsable de rien. C'est dans leur regard, ils n'ont pas la lumière nécessaire pour faire tout ce parcours. Mais alors c'est étonnant parce que peut-être si vous étiez tombé, par exemple, je me permets de vous poser cette question, si vous étiez tombé sur Zlatan Ibrahimovic, membre de l'équipe de Suède, qui a une sorte de grande assurance en lui-même, est-ce que vous seriez resté sur le même... Complètement. Oui, vous pensez ? Sans aucun doute. Bon. Il ne sera pas suffisant. Il l'est pourtant suffisant. En Ligue 1 ? Suffisant au... dans son comportement. Au sens fa du terme, vous voulez dire. Fa du terme. Coach, qui poursuit cette aventure ? Je vois que le docteur a déjà déchiré avec les dents sa pochette. Il a décapsulé. Alors, je crois que c'est une première pour moi. Vous n'avez jamais eu d'album Panini, docteur ? Non, je n'ai jamais eu d'album Panini. Je n'ai jamais... Pas de dépenses inutiles chez les Lehmann. Pas de dépenses inutiles, ni pain au chocolat, ni Panini. Voilà. Pour tout vous dire, je crois que j'ai découvert les images Panini très tardivement, puisque, figurez-vous que dans la cour de l'école, même primaire, il m'était interdit de jouer au football par mon petit groupe d'amis. Donc, on était loin de tout ça. Voilà. Je commence, donc c'est une première, et bien je vais adopter la technique de l'ami Florent avec le numéro 87, département de la Haute-Vienne qui m'est cher. Et qui vois-je donc ? Bekim Balay. Figurez-vous d'où vient Bekim Balay, un pays qui lui aussi m'est cher. L'Albanie. L'Albanie, exactement. Bekim Balay est visiblement un joueur du HNK Rijeka, donc un club croate. Bekim Balay est né en 1991, c'est donc un joueur qui a actuellement 25 ans. 1m86, 86 kilos, en équipe d'Albanie depuis 2012. Une bonne coupe, une bonne coupe. Ouh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça, on avait oublié quand même que c'est ça qui est intéressant avec les images Panini. C'est que là, ils ne peuvent pas mentir. Hein. Et là, voilà, il est salé. Mais en tout cas, je suis bien content de voir un membre de l'équipe d'Albanie. Et à mon avis, à Marseille, pour la venue de quelques amis albanais, qui peut-être, en avant-première, je vous le dis, seront là à l'émission, qui sait, l'émission du 11 juin. Eh bien, je vous dis que l'Albanie va faire quelque chose à Marseille pour sa venue. Deuxième figurine. Oh, Andreas Isaksson. Ah, mais c'est le gardien de l'équipe de Suède. Exactement. Ce gaillard d'1m99 et de 86 kilos, qui est né quand même, et c'est agréable de le dire, en octobre 1981, soit moins d'une année avant ma naissance. Ça fait plaisir de se sentir un peu moins vieux avec ces images Panini. Un joueur de notre âge encore. Voilà, presque un joueur de notre âge. Ça paraît assez incroyable pour être dit. Mais voilà, on s'aperçoit que ce bon vieux Isaksson qui jouait à Chelsea, me semble-t-il, ou dans un club anglais de référence, je ne sais plus lequel, joue actuellement à Kasımpaşa, donc en Turquie. Voilà. Il est en équipe de Suède. Il a joué à Rennes, en fait, aussi. Il joue à Rennes. C'était le remplaçant de Petr Cech à Rennes. Oui. Petr Cech est parti à Chelsea et Isaksson l'a suivi en Angleterre, mais pas à Chelsea, je crois. Ah, heureusement que vous êtes là, mon cher Manuel. Eh bien, figurez-vous qu'en le regardant de près, il ressemble étonnamment à Mikael Landreau. Donc, à mon avis, il sera sur le banc. Mais un bon copain. Un bon copain, ouais. Oh, James Chester. James Chester, qui, à votre avis, nous vient de quelle contrée? Un pays qui m'est cher. Je le mettrai en Irlande, moi. En Irlande du Nord. Et non. Au Pays de Galles. C'était bien essayé. Alors, c'est un petit gabarit. Enfin, un gabarit 1m77, tout à fait respectable. Hein. Oui, c'est plutôt grand, même. Voilà, voilà, un poids. Alors là, par contre, très, très avancé, puisque moi-même, qui fais 1m77, ne fais pas 75 kilos. Donc voilà, je pense que c'est un joueur qui souffre dans mon point. Un joueur massif, en tout cas. Un joueur très, très massif. Je trouve ça même scandaleux de sélectionner des joueurs de cette corpulence-là. Mais voilà, le Pays de Galles, c'est un peu spécifique. C'est un pays touché par le rugby. Et donc, je comprends bien qu'il joue avec des culs. Donc voilà, des joueurs d'1m77 pour 75 kilos. Bon, bah c'est comme ça. Bon, il est en équipe de Galles depuis 2 ans, depuis 2014. J'espère qu'il va faire une petite cure avant l'Euro. Il n'y avait pas d'équipe de Galles avant 2014, de toute façon, en football. Non. Voilà. Non. Non, c'est vrai. Et j'espère qu'il n'y en aura plus après. Ah, j'ai moi aussi ma fameuse doublette, mes gémeaux qui sont Jonathan Williams et Joe Ledley, et qui, bon, je vais vous le donner en mille quand même, eux aussi viennent du Pays de Galles, puisque c'est ça qui est assez difficile à trouver dans ces images Panini, c'est que quand on a la doublette, eh bien, il faut connaître le drapeau. Voilà. Et là, on a le drapeau du Pays de Galles qui m'a bien aidé, puisque comme vous le savez peut-être, l'emblème du Pays de Galles est un dragon. Voilà, tandis que quand il joue au rugby, il s'agit plutôt d'un poireau. Oui, donc, une belle emblème d'ailleurs. Voilà. Mais à mon avis, le dragon. C'est assez marrant que nos amis rugbymen ou commentateurs de rugby ne se laissent pas aller à plus de titres un peu plus salaces quand il s'agit de parler d'un futur match contre le Pays de Galles. Eh bien, peut-être c'est qu'ils souhaitent nous le laisser, je ne sais pas. Donc voilà, Jonathan Williams, Joe Ledley, bon, numéro 13, numéro 16, à mon avis, ça va faire des bons remplaçants. Dernière figurine, Andrzej Duda, qui nous vient de quelle contrée, selon vous ? Pologne, peut-être ? Non, un peu plus au sud. Un pays partitionné depuis 1991. Un Slovaque ? Il s'agit d'un Slovaque, effectivement. Il s'agit d'un Slovaque voilà, qui joue à Warszawa, donc en Pologne, donc Varsovie pour être plus précis. Voilà, né en 1994, bon, il a l'air plutôt sympathique comme ça. Hein. Voilà. Je ne sais pas tellement que penser de toutes ces figurines. Je ne sais pas si vous avez un avis, peut-être pour m'aider. Je récapitule mes six joueurs. Oui. Bekim Balaj, Albanie. Andrzej Duda, Slovaquie. Andreas Isaksson, Suède, James Chester, Pays de Galles, ainsi que Jonathan Williams et Joe Ledley. Bah, peut-être ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce sont tous des hommes. Oui, effectivement. D'autre part, on a... Au niveau de la couleur des cheveux, vous avez une sorte de connivence entre tous ces joueurs ou... Bah, j'ai trois blonds et trois bruns. Ça, c'est assez sympa, puisque je croyais que la couleur blonde était... En perdition. En perdition, et je vois que finalement, non. Bah, vous avez trois Suédois quand même encore, non ? Eh bien non, j'ai un Albanais dont la blondeur peut être mise en doute. Et puis j'ai un Jonathan Williams qui, peut-être vu que c'est une figurine double, est probablement roux. Mm-hmm. Et de loin, on le prend pour un blond. C'est le problème de certains blonds. Voilà, il porte un nom quand même intéressant pour un Gallois, puisque figurez-vous que un jour, lors d'un match au Pays de Galles, il y a eu 15 Williams dans la même équipe de rugby. Voilà. Et lui s'appelle Jonathan Williams. Et je suis sûr qu'un autre international gallois portait ce nom. Qu'est-ce que je pense de tout ça ? Puisque vous ne m'aidez guère, mes chers. Eh bien, je vais vous le dire. Que l'Albanie va faire un coup, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'était la première carte que j'ai tirée et ce n'était pas là pour rien, à mon avis. Pour le reste, eh bien, l'équipe de Galles, bah, c'est vrai qu'on va peut-être en parler, à mon avis, au mauvais sens du terme. Je pense qu'ils vont jouer les poireaux, effectivement. Ils vont s'illustrer dans un sens qui ne sera peut-être pas le meilleur qui soit. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Moi, je pensais aussi peut-être éventuellement à parler de la Slovaquie, qui est le favori secret de Tonton Chris, par exemple. Ah, Tonton Chris qui nous avait parlé de Nice en début d'année. Tout à fait. Tout à fait. Je m'en souviens. Eh bien, pour l'Euro, il m'a parlé, moi, de la Slovaquie comme étant l'équipe qui fera une surprise. Et c'est tellement beau que vous vous rendez compte qu'on parle tellement peu de l'OGC Nice que c'est une équipe dont on a le droit de prononcer le nom. Oui, alors que c'est quand même une sale fabuleux. Ville. C'est bien sûr, et ça c'est quand même à remarquer. Voilà. On espère que c'est la dernière fois pour nos camarades de l'OGC. J'espère. Je vais m'y coller et vous achèverez la formation. Allez. Ah, c'est un très beau bruit ça, coach. Le bruit de l'ouverture. Donc je vais respecter pour l'instant le protocole en vigueur sur ce plateau. J'ai une question à vous poser pendant que vous ouvrez vos cartes. Est-ce qu'on a les écussons dans cet album Panini ? Parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait les écussons des clubs ou des équipes nationales. Alors on a des écussons, enfin on n'en a pas tiré encore pour l'instant, mais on a des écussons brillants. Ah bah oui, brillants bien sûr. Comme celui de l'Ukraine que je tiens dans ma main, que j'ai ouvert ce matin, avec joie. Je peux vous montrer l'écusson du Pays de Galles. Non, ce n'est pas l'écusson. Il y a aussi des brillantes. C'est une espèce de scène de liesse. C'est un moulon. Où tout le monde s'embrasse et se plotte. On montre simplement les équipes qui sont contentes, peut-être, voilà, à un moment donné. Voilà. Puisque l'Euro 2016 est avant tout un moment de partage entre les peuples et un moment de joie. Une grande fête. Une grande fête, bien évidemment. Et l'écusson de l'Angleterre. Ah bah oui. Que j'ai tiré ce matin. Qui est très beau. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal. Il a un petit côté papier peint quand même avec la répétition du motif. Mais c'est vrai. Mais le Three Lions nous fait penser à ces terribles pubs où se noieront probablement les Gallois cette fois-ci. Alors coach, on vous écoute. Vous avez donc tiré... Moi je vais commencer donc par le numéro 465. Ah, intéressant. Qui pourrait être le nombre de jours d'une année si nous habitions sur une autre planète que la Terre. Mmh. Voilà. Ou si, tout simplement s'il y avait 100 jours de plus. Ça pourrait être ça aussi. Et donc moi je commence donc par un Belge qui s'appelle Thibaut Courtois. Ah, le gardien belge. Voilà, qui est le gardien belge qui joue à Chelsea. Ah, enfin, regardez. Sans vouloir un peu minimiser vos tirages, cher Florent, cher docteur, c'est un peu la première star qu'on a... qu'on accueille sur le plateau. Ici, Axon, je me souviens qu'il y a eu des Coupes du Monde où il s'était mis en valeur. Oui, c'est un très bon gardien, mais un gardien de 35 ans. Quoi. Alors, je note un peu que le vert de son maillot et notamment ses épaulettes ressemblent un petit peu à des écailles et lui donnent un air de crocodile. Voilà. Et qu'il a il a la coupe de cheveux très gominée qui s'oriente comme ça vers la droite de son visage. Donc, c'est assez... voilà, ça lui donne un air un petit peu tribun. Voilà, un air un peu... tribun romain, ceux qui vont mourir vont le saluer, sans doute. Ensuite, j'ai Rui Patricio, Sporting Clube de Portugal, et donc un Portugais. Et je note que donc, j'ai mon deuxième joueur consécutif à au moins 1m90. Là, pour l'instant, je frôle les sommets. 1m99 pour Courtois, 1m90 pour Rui Patricio. 1m99, Thibaut Courtois, c'est quand même très grand, ça, pour le coup. Autant 1m77, c'était grand, déjà, mais 1m99, c'est vraiment grand. J'ai un Irlandais, James McCarthy, oui, qui a le visage un peu de travers. Donc lui, il a une véritable dissymétrie faciale qui est assez étonnante. Voilà, mais qui a de bonnes joues aussi. Qui donc fait 1m80 pour 76 kilos et qui joue au Everton FC. Bah, ôtez-moi d'un doute, chers amis, on a l'Irlande et l'Irlande du Nord pour cet Euro 2016 ou simplement l'Irlande du Nord ? Je ne me souviens plus. Bah, on a l'Irlande et l'Irlande du Nord, me semble-t-il. On a les deux. D'accord. Oui. On a pas l'Écosse, quoi. Oui. Mais qui gagnera probablement l'Euro, quand même, comme chaque fois. Oui, peut-être qu'ils seront repêchés, comme le Danemark en 92. Peut-être c'est la France qui va être... repêchée ? Non, qui on va interdire de faire son Euro. C'est possible. Bah oui. Bah, surtout si on s'acharne à interdire l'alcool dans les buvettes, effectivement, oui, on risque d'avoir de gros problèmes, notamment avec l'Irlande et tous ces pays. Bah, oui. Et puis comment faire sans Mamadou Sakho et Michel Platini, ça je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il faudrait mieux déclarer forfait. Oui. Mon dernier... je n'ai que des solos, en fait. Ah. Donc mon joueur suivant est un Suisse, il s'appelle Blerim Dzemaili. Et il joue au Genoa, en Italie. Il a une fossette du menton extrêmement prononcée. On dirait que c'est presque un vrai trou noir. Hein. Il y a un petit peu de barbe, du coup, au milieu de tout ça ou... Oh, une barbe de 3 jours. Oui, hein, oui. Une gouttière, voilà. Probablement. Vous nous rappelez le gabarit de ce Dzemaili, puisque vous étiez sur des grands gabarits? Non, il ne fait que 1m79 pour 73 kilos. Donc pour l'instant, c'est le plus petit de ma sélection, puisque oui. James McCarthy faisait 1m80. Déjà immense. Voilà. Par contre, c'est le premier de mes 4 joueurs qui est légèrement souriant, hein, qui a une espèce de sourire à la Mona Lisa, qui donc indique soit une vraie joie, soit alors un coming out, on ne sait pas trop. Et mon dernier joueur, voilà, lui, il a de magnifiques yeux bleus. Il regarde légèrement vers le ciel. Il voit au-delà de l'appareil photo même, je pense. Il s'appelle donc, alors je ne saurais pas trop comment on le prononçait, peut-être Matouche Kovacic. Il joue au Victoria Plzeň, donc en Tchécoslovaquie. Plus précisément En République tchèque, du coup. Merci. En République tchèque plus slovaque, alors, il faudrait dire. Certains disent la Tchéquie, même. Voilà. Ça semble un peu absurde. Ah, ça fait partie des récents débats, Manuel. Je vois que vous êtes au courant. Je suis à la page. Et donc, il a un logo avec une étoile à 5 branches qui pourrait faire penser à une étrange secte, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, c'est le seul qui n'est pas véritablement, oui, un regard frontal, hein, qui propose du coup une légère zone d'ombre sur son visage qui peut laisser présager que quelque chose se trame. Donc récapitulons, mon cher coach, des joueurs peu souriants, des joueurs à grand gabarit, va-t-on dire, à part pour vous, qui bien sûr est un grand gabarit comme... Puisque notre ami Kozacic fait quand même 1m93. C'est quand même, pas mal. Voilà. Quand même pas mal. Donc il faudra, je pense que, voilà, à mon avis, ma sélection semblerait vouloir dire que l'équipe qui va gagner l'Euro le gagnera d'un but de la tête. Voilà. Mais ne serait-ce pas plutôt que cet Euro serait un Euro défensif, avec des joueurs très grands au final qu'on aligne, et en général ce n'est pas fait pour attiser le feu. Hein. On sait que les joueurs les plus mobiles sur le terrain, ceux qui mettent le plus de folie dans les matchs de foot, sont des petits joueurs en général, non, mon cher coach? Ça, à mon avis, c'est quand même plutôt des clichés. Hein. Il ne faut pas sous-estimer les personnes de taille normale, hein, qui n'ont pas de vengeance à prendre sur la vie. Qui certes, effectivement, ont l'esprit le plus loin du ballon. Donc, de fait, on peut estimer qu'effectivement, le temps de transmission dans le système nerveux, du cerveau jusqu'au pied, peut paraître plus long puisqu'on est plus grand, alors qu'un petit joueur, lui, a cet avantage-là que son cerveau est plus près du ballon. Donc, de fait, ça circule plus rapidement du cerveau au pied. Mais je pense que ce sont des données quand même qui seraient à vérifier scientifiquement. Bien sûr, la question du centre de gravité, par exemple, coach, voilà, ne vous effleure plus du tout l'esprit, vous avez tranché. Non, le centre de gravité, pour un footballeur, vous savez, c'est, tout est dans le short, hein, tout est dans le Benz. Très bien. Alors j'ai quant à moi déjà décacheté mon petit sachet. J'ai pas encore regardé, hein, je les ai un peu mis tel un jeu de cartes à l'envers comme vous. Et je constate déjà que j'ai 3 doubles. Ce qui est très important sur 5 vignettes d'avoir 3 doubles, il me semble. Hein, je n'ai plus l'expérience du tirage Panini, cher Florent, mais avoir 3 doubles dans un même sachet, c'est quand même. 3 gémeaux, pas 3 doublons. D'accord. Ah non, pardon, 3 gémeaux. 3 gémeaux, oui, tout à fait. Ah non, ça c'est remarquable. C'est remarquable. Alors moi, ce qui me laisse à penser, puisque le football est avant tout un sport collectif plus qu'individuel, et qu'on a vu que les dernières grandes compétitions internationales étaient gagnées par des équipes au jeu plutôt collectif, plutôt huilé. Hein, on a vu l'Espagne à sa grande époque, même si j'ai du mal à le dire, l'Allemagne à la dernière Coupe du Monde avait un jeu collectif plutôt alléchant. J'ai tendance à penser que j'ai donc dans mon jeu le vainqueur du prochain Euro 2016, ni plus ni moins. D'accord. Et le principe d'avoir 3 doublons, c'est le retour du 1-2 peut-être ? Voilà, c'est un Euro qui se gagnera sur le 1-2. Le 1-2 et le jeu en triangle. Alors si jamais, en plus d'avoir un doublon, j'ai un troisième joueur d'une même sélection, là je pense que ce sera un signe véritable. Alors le premier, c'est les 608B et 608A, et il s'agit de Kolbein Sigthorsson et de John Daði Böðvarsson, qui sont donc a priori des joueurs islandais. Puisque moi je connais un petit peu Kolbein Sigthorsson, pardon, qui joue au FC Nantes, une des fameuses recrues offensives du FC Nantes cette année, qui a dû marquer 2 buts, je crois, dans la saison. Donc voilà, ça c'est les deux premiers. Plutôt costauds, les gars islandais, a priori, dans leur beau maillot bleu. Mais pas grand chose à en dire de plus. Ah, alors là, par contre, j'ai un joueur intéressant et important, qui est ce défenseur central portugais, nommé Pepe. Pepe est portugais. Pepe est portugais. Il s'est fait nationaliser, voilà, parce qu'il est originaire du Brésil. Hein, c'est donc le même Pepe. C'est le Pepe du Real Madrid. D'accord. Voilà, un joueur pour le moins tranchant, je crois, on peut dire. Disons même rugueux. Rugueux. Qui a un demi-sourire, Pépé, finalement. Ah. Voilà, sur cette photo. Il est pas mécontent d'être là, plutôt à la cool, Pépé. Bah, c'est un joueur à la très mauvaise réputation, quand même. Faut bien le dire. Oui, mais comme d'autres. Très bien. Alors, j'ai un Albanais aussi, d'1m90 pour 84 kilos, qui joue au FC Cologne, et j'ai nommé le grand, le beau Mergim Mavraj. Qui lui ne Mergim. Sourit pas du tout. On sent que l'équipe d'Albanie est une équipe concentrée. Oui. Qui vient. En fait, qui va être dangereuse, je crois, pour l'équipe de France, l'équipe d'Albanie, puisqu'elle n'a rien à perdre. Et il y aura un capitaine qui va revenir dans l'enceinte qu'il l'a vu briller, c'est-à-dire Lorik Sana, qui va jouer à Marseille. Contre l'équipe de France, je crois bien. Et qui sera, je l'espère, ovationné à cette occasion, je n'en doute pas d'ailleurs. Peut-être plus que l'équipe de France, oui. En tout cas. Je sais qu'il l'a été hein, quand Nantes est venu jouer au Vélodrome. Même si on ne peut pas vraiment dire que son passage à Nantes a été très, très, très brillant cette année. Mais bon. Quatrième vignette, là, j'ai des joueurs gallois. Il s'agit de Joe Allen et de Neil Taylor. Alors. Aucun Williams. Étonnant. Des types qui sont en train de courir. En fait, on dirait des mauvais joggeurs, franchement, sur cette photo. Des types qui courent pas souvent, en fait, quoi. Ils donnent vraiment cette impression-là, les deux joueurs gallois. Vous savez ce que j'ai envie de dire sur le football gallois, c'est qu'il faut quand même rappeler que les équipes de Swansea et de Cardiff ont quitté le championnat gallois pour rejoindre le championnat d'Angleterre. Et ça, déjà, c'est un signe. Bon, il faut aussi être réaliste que l'équipe nationale galloise est composée de deux joueurs qui sont Bale et Ramsey, hein, et personne d'autre a priori. Ouais, ben en tout cas, moi je finirai avec des gens dont on a peu parlé, dont on parle finalement assez peu avant une compétition internationale et qui à la fin sont quand même souvent toujours dans le dernier carré. Oh non, les Allemands. Non, pas les Allemands, non. Non, les Allemands ils gagnent en fait. Ouais, les Allemands on en parle toujours en fait. Le dernier carré c'est plutôt les Espagnols. Ouais, je dirais plutôt sur les Italiens là. Ah. Vous voyez, on en parle tellement pas que ça ne vous est pas vraiment venu à l'idée. On parle rarement des Italiens. Je savais même pas qu'ils étaient qualifiés, les Italiens. Ils sont là. Et alors là, j'ai deux horribles joueurs, hein, mais ou alors des joueurs qu'on aime vraiment détester. Le terrible... D'ailleurs, le terrible Marco Verratti, qui peut-être ne fera pas l'Euro. Ah. Qui ne le fera pas d'ailleurs. Ah. Qui ne le fera pas. Et ça, oui. Ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'il a un problème au niveau du pubis. Je crois qu'il a un appareil génital qui pousse et du coup ça l'empêche de jouer. Mais ça se voit pas sur. Bah, juste, effectivement, on voit pas grand chose dans notre short de Marco Verratti sur cette photo. Et il est affublé du non moins terrible Alessandro Florenzi, que je ne connais pas du tout, mais. qui, de la même manière que Marco Verratti, a une bonne tête d'Italien insupportable. Footballeur, j'entends, hein. Je ne veux pas faire des généralités sur les Italiens, que nous adorons. Par contre, on déteste les footballeurs italiens, d'une manière générale. Il est bon de le rappeler à des bâtons d'Anguirou. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire de cette belle petite sélection ? Trois doublettes, parmi lesquelles je me suis promis de trouver le vainqueur de l'Euro 2016. Je ne pense pas que ce sera l'Italie, puisque on me donne une fausse vignette de l'Italie. Marco Verratti est sur l'album Panini, Marco Verratti ne sera pas à l'Euro, exit l'Italie. Il me reste donc comme vainqueur potentiel, voire certain, selon mes prédictions, de l'Euro 2016, l'Islande ou le Pays de Galles. Et là, force est de constater que l'allure vraiment gaillarde de nos amis islandais, comparé à... Parce que vous pensez que les profs de sport gallois ne vont pas peut-être tirer leur épingle du jeu ? C'est pas qu'ils ressemblent à des profs de sport, ils ressemblent à vraiment des joggeurs du dimanche qui en font une fois tous les six mois. Quoi. Vous n'avez pas eu les mêmes profs de sport au collège que moi alors ? Ah non, moi j'avais des vrais, véritables athlètes. On se souvient que l'équipe d'Islande, je crois que c'était en août 1998, avait remporté une victoire de prestige contre la France. On se souvient de ça, et on se souvient que les espoirs islandais, il n'y a pas si longtemps, faisaient des misères à l'équipe de France Espoir, dont on se targue qu'elle est toujours très brillante. En plus de ça, il y a un autre signe dans mon tirage, c'est que il y a un joueur nantais sur cette doublette islandaise, donc voilà, selon moi c'est l'Islande qui va gagner l'Euro 2016. Ou alors ça pourrait être le Football Club de Nantes qui gagne l'Euro. Ouais, et alors là ce serait vraiment un exploit, parce qu'en plus leur stade n'est pas parmi les stades qui accueillent l'Euro, enfin vraiment il y a une absence totale de cette ville, et c'est tout à mettre à son honneur. Ils vont à René Girard comme entraîneur. Il faut avoir René Girard comme entraîneur, ce qui pour le coup est un virage offensif observé par le FC Nantes pour la saison prochaine, vraiment intéressant, après le beau... et talentueux Michel Derzakarian, on va avoir René Girard sur le banc de la Beaujoire. On devrait se régaler, je crois, dans ce stade pour l'année à venir. Chers amis, il est déjà 23h. On a mis un certain temps à faire l'ouverture de ces vignettes Panini. Moi, je vous propose juste une petite pause musicale, si vous le voulez bien, avec une nouvelle sélection du coach. Et puis, on va finir cette émission en douceur avec une chronique du docteur, avec deux, trois autres trucs. On va prendre le temps, puisque ce soir, on est tranquillou, on est bien. Et on écoute donc, cher coach, Stella, après avoir écouté Little, qui donc est une autre chanteuse du moment, j'imagine. C'est un groupe. Ah, c'est un groupe, Stella. Voilà. Qui vient de l'Artois, peut-être. Groupe belge ? Un groupe belge, je ne sais pas. Je vous posais la question, c'était une question. Groupe français, c'est Stella. Même pas. Il paraît que Landru n'aimait que les femmes chaudes, un peu comme Jeanne d'Arc avec ses yeux de braise. Il paraît que Jésus est mort du tétanos, le clou était rouillé, mon Dieu, quel vin atroce. On dit que David Croquette n'aimait pas ses lots crevettes, et puis que Lady Di n'aimait reste à faire le pont. On raconte que Stan l'oreille était dure de la feuille et que le roi Pelé ne met pas les tomates. On nous raconte n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. On nous raconte n'importe quoi. On voudrait bien être au courant, mais Claude n'est plus là. Que Joe Bassin n'aimait pas la piscine. On raconte que Tintin était allergique aux chiens. On dit que Marie Curie n'aimait pas les épices et que Pierre Curie qui roule n'amasse pas de nanamouscouri. Il paraît que Napoléon vivait dans un Bonaparte. Il aurait voulu une maison mais c'est plus cher qu'une location. Que la reine d'Angleterre est le sosie d'Elisabeth et que Frank Sinatra n'était pas Sinatra que ça. On nous raconte n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. On nous raconte n'importe quoi. On voudrait bien être au courant mais Glo-Glo n'est plus là. I hold it down, hit it from the A, from the A, tittle, tit, pay from the O, tit out it. I hold it down, hit it from the A, from the A, tittle, tit, pay from the O, hold out it. Rossi buvait du Martini Rosso et que Jean-Claude Killy n'a jamais ouvert un bouquin. Il paraît que Charles de Gaulle n'en aurait jamais marqué un et que commandant Cousteau était malade en bateau. On dit que Marcel Marceau n'avait jamais le dernier mot et que Fernand Reynaud se déplaçait en Citroën. Que les frères Bogdanov ne sont ni frères ni Bogdanov et puis que Tiger Woods est mort à la guerre du Golfe. On nous raconte n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. On nous raconte n'importe quoi. On voudrait bien être au courant, mais Claude n'est plus là. On nous raconte n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. On nous raconte n'importe quoi. On voudrait bien être au courant, mais Claude n'est plus là. Donc on écoute donc sur Radio Galère ce soir des bâtons d'Anguy Roux. On va aborder la dernière partie de cette émission, le groupe Stella, qui chante n'importe quoi. C'est le thème musical de l'émission, n'importe quoi, alors que nous, on parle pas du tout de n'importe quoi. C'est Foot Lucarne ce soir, avec notre invité prestigieux Florent, avec le coach et avec le docteur. On va passer donc à cette troisième partie d'émission que nous avons intitulée Lucarne en mots et en bulles, où on va évoquer un petit peu l'actualité littéraire. Par le biais de diverses publications qui viennent un petit peu garnir les étals des librairies, de la BD aussi avec notre ami Florent. Et puis on va évoquer un petit peu les émissions futures, parce qu'il y a un gros programme pour cette fin de mois de mai et le mois de juin à venir, n'est-ce pas mon cher docteur? Oui, bah c'est sûr que de la même manière que la Lucarne, bah on va occuper la scène phocéenne pendant tout le mois de juin, avec des émissions spéciales, notamment à la Friche de la Belle des Mets, autour d'un projet qui s'appelle Footopie, voilà, qui va être relayé par Radio Grenouille. Ça, ce sera le 9 juin, je crois. Ainsi que le 7 juillet. Ainsi que le 7 juillet. Et puis, il y aura un autre événement très important qui va se jouer entre le cours Julien et la Plaine, autour de la Réserve à Bulles, cette librairie qui nous fait le plaisir de parler et parfois aussi de vendre des bandes dessinées, et ce qui sera une spéciale football avec un dessinateur bressois qui s'appelle Chris. Et donc Des Bâtons d'Anguy Roux sera là. Et voilà, donc pour tous ces événements, eh bien, nous avons choisi d'essayer de voir un petit peu ce dont on allait réellement parler en évoquant en quelques mots ou en quelques lignes. Voilà, des choses qui nous sont chères dans les actualités. C'est vrai que Manuel, vous vouliez parler d'un livre. Oui, je vais juste évoquer ce livre puisqu'on en reparlera dans les émissions futures. C'est un livre qui s'appelle Débordement, les sombres histoires du football 1938-2016 aux éditions Anna Moza. Et c'est un ouvrage qui, en une quinzaine, on va dire, de chroniques, raconte quelques histoires assez terribles de football, surtout des joueurs, hein, au parcours assez intéressant et surtout assez symptomatique de l'époque qu'ils ont vécu. On a, juste pour le citer, l'exemple de ce joueur autrichien qui joue pour la grande équipe, la merveilleuse équipe d'Autriche du début des années 30. Autriche qui se fait tout simplement annexer par l'Allemagne nazie en 1938, je crois. Oui. On a appelé l'Anschluss. On parle pas de ski, on parle de... d'annexion d'un pays par un autre. Et voilà, donc on parle un peu du parcours soit courageux, soit sombre de certains protagonistes du football. Et surtout, on tente dans cet ouvrage de replacer le foot dans un contexte des sciences humaines, on va dire, et de l'analyser dans cette optique-là, pour aussi contrer, c'est ce que nous indique la préface, contrer le discours médiatique ambiant qui consisterait à faire du football une discipline autonome avec sa propre histoire et qui serait complètement dégagée de toute considération, qu'elle soit sociologique, anthropologique ou même historique. Voilà, donc on parlera un peu plus longuement de cet ouvrage et on parlera aussi à l'occasion du 9 juin d'un ouvrage qui sortira aux publications de la Sorbonne, qui s'appelle Le football des nations et qui est co-dirigé par Stéphane Beau et Fabien Archambault notamment, ainsi que William Gasparini. Voilà, ces trois hommes ne seront pas là, mais on espère en avoir au moins deux ce 9 juin à la Friche. Mais je crois, mon cher Florent, que vous vouliez nous parler de bande dessinée. Alors, et de football, bien aimé, j'imagine. Oui, de foot et de BD. Alors ça se marie pas très bien. Hein. J'ai bien fouillé, il y a beaucoup de choses très désagréables en bande dessinée autour du football. On a des choses très classiques comme Eric Castel, que vous avez peut-être déjà croisé. Un peu. Ce superbe joueur propre du FC Barcelone, passé par la ville dont on taira le nom, et qui aura même fini à Lille, au LOSC. Nous l'avons même incarné. Oui. Vous l'avez incarné. Pour des bâtons d'Anguirou, on a interprété quelques pages d'Eric Castel. Bon, alors je n'en parlerai souvenir. Plus. Et ça mais vous avez beaucoup. Certainement raison. Alors on a un héros, enfin un anti-héros, qui est tout le contraire de Eric Castel, qui s'appelle Dupaxon Popov. Alors il faut savoir qu'Eric Castel, c'était dans le journal de Tintin, au départ, ensuite les éditions Dupuis. Dupaxon Popov, c'est fait par Malo Lovarou. Et c'est aux éditions Petit Louis, et c'est un joueur qui est à l'image de son environnement. Il rate des buts tout faits, il tente des simulations consternantes au point de pénalty, et il vit avec un club. Il joue dans un club fauché, il est entouré de joueurs orgueilleux, des dirigeants véreux, des supporters passionnés mais versatiles. C'est très drôle, c'est à voir. Alors c'est difficile à trouver parce que ça a été réédité mais très peu distribué, mais voilà, ça fait du bien. Après Eric Castel, ça fait vraiment du bien, un anti-héros des années 80. Donc il y a du bon Paxson. Il y a du bon parfois. Il y a du bon parfois. Alors celui-ci, c'est un peu la trouvaille, hein. Parce qu'on a d'autres choses. Si, on a une autre. C'est pas une BD vraiment, ce sont des nouvelles, c'est un roman illustré, on va dire, de Covin et Bilal, qui s'appelle Hors-jeu, qui est dans un futur. J'allais dire proche, parce qu'on trouve un peu les travers du football aujourd'hui. Ce sont des joueurs qui jouent dans des stades bunkers, dans lesquels les arbitres n'ont que très peu de place pour s'exprimer. Ils sont au ras du sol, dans des cages en verre, pour ne pas se faire taper dessus, parce que c'est un foot très violent qui se joue sur le stade, où certains perdent la vie, etc. Et puis les manias de la finance parient sur ce sport, ou en tout cas ce qu'il est devenu, tout en manigançant avec les deux équipes, à savoir laquelle acceptera le montant qui fera qu'ils laisseront passer le ballon ou pas. Vous trouvez ça réaliste, mon cher coach ? Vous en aviez parlé, coach, je crois, dans une émission antérieure de Débattons d'Anguirou, non ? Ça me dit quelque chose, moi ? C'est l'enjeu de Bilal ? Non. D'accord. Non, oui. Je vous ai rêvé en parlant de cette bande dessinée. On a des rêves communs, docteur. Vous m'expliquiez ça, peut-être. L'Écosse, sûrement. Je passe rapidement sur les mangas. Il y en a beaucoup. Mais il y a toujours le capitaine Tsubasa de Takahashi, qu'on connaît mieux depuis Olive et Tom et AB Productions, qui lui est pas loin d'être un Eric Castel japonais, quand même. Très propre. Mais enfant. Pardon ? Mais il est enfant, non ? Oui. Mais enfin, il, lui aussi, il a un fair-play quasiment surhumain. Ouais, mais moi, je pense qu'il a quand même un peu cette innocence, pas forcément enfantine, mais cette innocence de l'imbécile heureux que n'a pas Castel. C'est vrai. C'est vrai, Castel est arrivé. Mmh. Il sait où il est. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des... Parfaitement asexué. Hein, des choses contre. Très connues, comme Bouzard, qu'on retrouve dans SoFoot, et qui a sorti des strips via Fluide Glacial. On a Le Fred Touron, qu'on connaît par l'équipe magazine, par le Canard Enchaîné, qui fait des strips aussi et qui les a recueillis. Non, vous n'êtes pas fan, hein. Par vos têtes. Ah ouais, si. Le Fred Touron me dérange pas. Ouais, moi non plus. Enfin, sur l'esprit. Après, bon, il a effectivement un dessin un peu moche, mais. J'aime bien sa plume, moi, par contre. Mais c'est assez drôle. Et puis, il me semble l'avoir lu dans ma jeunesse, dans des choses un peu plus. Il a pas fait des choses dans Psychopathe, par exemple ? Si. Cette revue de bande dessinée un peu plus underground. Exactement, ouais, il y était. Après, je ne le connais pas dans le registre footballistique, mais c'est vrai que sinon, il m'amuse parfois dans Le Canard, mais c'est le principe de la satire, ou même dirais-je du satire. Qu'est-ce qu'on a ? On a Dorasso. Ah, Vicage Dorasso ? Vicage Dorasso, qui a tenté un écrit, un livre qui s'appelle Tatane. Oui. Et qui est illustré par Pénélope Bagieux, Berberian, Bouzard, Jules. Alors bon, c'est Dorasso. Hein. Ouais. Il tente d'éveiller les consciences endormies par un football déshumanisé. Voilà, c'est pas... On s'ennuie un peu. Il crache un peu dans la soupe, Dorasso. Je crois qu'il est parti. Quoi d'autre ? Petite frappe. Alors, Petite frappe, je ne l'ai pas lu. C'est de Bégodeau et Mardon, chez Delcourt. C'est l'histoire d'un jeune doué au foot, mais qui va choisir de faire du rock à la place. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, j'ai quelques méfiances à l'égard de Bégodeau. Voilà. Je suis méfiant par rapport à... À partir de quoi ? De l'auteur, déjà, et puis de... Du personnage aussi. Du personnage médiatique parisien mondain qu'il est devenu et qui fait qu'il n'écrit plus, en fait, je pense. Il a plus le temps de penser à écrire, donc je suis méfiant. Après, il est peut-être sympa. Et son regard sur le foot ? Bah, son regard sur le foot, il est à Bégodeau, il m'embête parce que d'abord, il voue un culte au FC Nantes qui est égal au mien. Et bon, voilà, je ne peux pas en dire trop de saloperies. Quoi. Il a un regard sur le foot qui me semble assez sincère et assez bien vu. Après, il me semble aussi être assez représentatif d'une sorte de milieu pseudo-intellectuel qui donne une sorte de conscience populaire en regardant le foot et en écrivant dessus, plutôt pas très bien. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas plus d'avis que ça. Ça sent la mauvaise foi un peu, Manuel. Ouais. Excusez-moi. Oui, bonjour. On vous le resservira. Après, le soutien des copains, ça fait plaisir. Après, c'est vrai qu'on peut quand même malgré tout se dire que Bégodeau ne fait pas partie de ces gens dont on a baissé le short sur un terrain quand il était jeune. Voilà. Je sais pas, peut-être que si, mais... Vous voulez dire qu'il est trop petit ? Non, c'est plutôt une question d'existentialisme, mon cher camarade. Très bien. On termine avec la BD. Florent, un dernier titre à nous proposer, peut-être ? Oh là, je n'ai plus rien. Ah bah sous alors, la main, je n'ai plus rien. Bon, alors vous avez bien parlé de ce sujet, moi, des choses que je ne connaissais pas pour la plupart. Je rajouterai deux albums qui sortent en ce moment et dont on parlera pour cette spéciale BD qu'on fera à la Réserve à Bulles le 18 juin prochain. qui sont un album donc de Chris notamment, avec un, je suis désolé, j'ai oublié leur nom, un co-scénariste et un dessinateur, qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie et qui raconte la, l'histoire de Rachid Mekloufi, ce joueur qui a donc joué pour la première équipe d'Algérie, avec d'autres hein, bien sûr, mais c'était la tête de gondole un peu de cette équipe, alors qu'il avait joué pour l'équipe de France auparavant. Et puis un album qui s'appelle également Hors-jeu, qui est dessiné par Mathieu Chiara. Voilà, qui est publié aux éditions de La Grume. Donc c'est deux auteurs, Chris et Mathieu Chiara, qu'on recevra autour de la table de débattons d'Anguirou pour le festival Badam. On va conclure cette émission avec vous, cher docteur, et votre traditionnelle chronique, une chronique j'imagine conclusive ce soir sur cette question de la lucarne que vous avez choisi d'intituler Lucarne intermittente, et j'imagine encore une fois qu'il va être question de vos tribulations administratives ou d'autres choses de ce genre. En effet, je ne ferai pas de présentation. Lucarne intermittente, il n'y a pas de lucarne chez moi, encore moins de petite lucarne. Il me faut donc à chaque événement footballistique intergalactique m'armer de patience et pianoter comme un beau diable à la recherche d'une minuscule lucarne sur le monde. Comme bon nombre de flippés du poste, je mate les matchs en streaming. Cette technologie dysfonctionne hélas chez les gens qui, comme moi, se plaisent à dédaigner un Big Brother qu'ils ont pourtant accueilli bras ouverts chez eux, omettant sciemment, confronté au vaste océan du web, le caractère tout hypothétique de leur libre arbitre. Les mardis ou mercredis, je m'assois, ainsi, gaillardement, sur une chaise au dossier inamical, pour me rapprocher du modem. Pas celui de François Bayrou. L'homme du Wi-Fi. Facilitant ainsi, me plais-je à croire, la transmission des vertes images qui suscitent alors ma convoitise. Mais je dois bien vous avouer que je suis surtout interrompu par une pléthore de femmes célibataires résidant visiblement à proximité de mon domicile, lesquels s'intéressent davantage à la propre satisfaction de mes secrets désirs qu'à l'enjeu des pelouses, si ce n'est peut-être la leur. Claudine, Samantha ou Cassandra jettent ainsi une certaine suspicion sur mon réel désir de regarder du football. Mais, voyez-vous, elles fonctionnent elles aussi un peu à la manière, tout en ellipse, que j'ai d'assister au va-et-vient du ballon. Le streaming, chers auditeurs, permet en effet aux spectateurs avides de tactique de s'imaginer le football tel qu'il pourrait se produire. Une balle chaude devant le but, quelques secondes de transmission correcte, et c'est votre fantaisie qui prend le relais. Dans de rares cas de fatigue avancée à ce moment de la semaine, une convergence visuelle peut même vous conduire à imaginer l'existence d'un striker, ces coureurs nus déchaînant les passions outre-manche sur la lucarne intermittente qui vous est proposée. Le match se vit comme un géopardi, tout en interrogation, sans jamais pourtant trouver de réponse. Me refusant au direct radiophonique, auquel je voue une horreur sans nom, je me rabats sur le triste récapitulatif des événements consultables sur le site en ligne du quotidien de référence des Français. Regrettant le temps où l'OM existait encore, quand la clameur de la rue me servait de fil conducteur au match, ainsi va ma soirée télé de milieu de semaine entre Cassandra et Diego, m'essayant à deviner ce que chacun des deux fera l'instant suivant. Et parfois, comme mardi dernier, je craque. Je quitte le domicile conjugal comme un fou, comme un soldat, errant à travers les rues à la recherche d'une star de cinéma et d'un son et lumière qui satisfera ma quête. Quel bonheur donc, ce mardi soir, de croiser Ben l'Allemand à l'Hippocampe, Barcy, rue d'Izoard, pour regarder les 20 dernières minutes du match entre l'Atlético et le Bayern. Et quel bonheur d'assister au merveilleux spectacle de Germain Sampalant sur la ligne Maginot de ce cher Diego. Ainsi, ce mardi, pour une fois, puis-je voir l'intégralité des faits et gestes qui m'échappent sur ma lucarne. Notamment ce fait de jeu totalement passé inaperçu et pourtant souligné par mes soins auprès de Ben l'Allemand, qui pourra en témoigner, la gigantesque baffe de Diego Simeone au quatrième arbitre. L'ami Simeone, elle va en poupe. Enfin un gangster, une vraie gueule d'entraîneur qui ravira les aficionados de Panini et tranchera définitivement avec les Jacquet et autres Lemaire. Enfin, une dangereuse racaille sur le banc de touche. Cheveux gominés, gouttières et costards à quatre épingles, pour le plus grand bonheur de nos caméramens. Bielsa et Michel Passy peuvent aller se rhabiller. Voilà l'homme qu'il nous faut, un type capable de démettre une vertèbre à l'interlocuteur dont il tape l'épaule, qui plus est un arbitre, sans éveiller la moindre remarque du corps médiatique. Knissa, où êtes-vous? Un type suspendu 8 matchs il y a 2 ans pour une gifle sur l'arrière du crâne de l'arbitre. José Anigo doit se retourner dans sa bombe. Oui, comme vous le savez peut-être, notre homme s'est spécialisé dans le hippisme. Mais bref, Diego Simeone, donc ralenti aidant par cette petite lucarne, ouvre la voie royale au football de demain. Celui où les vrais gars auront le droit d'humilier ses lavettes d'arbitre, un vrai football d'acteurs, d'intermittents, où la pause médiane ne serait pas payée, mais un football que je continuerai, je crois, à rêver au travers de ma lucarne intermittente. C'est très bien tout ça, mon cher docteur. Ça conclut parfaitement cette très belle émission Foot Lucarne, débattons d'Anguirou sur Radio Galère. On va remercier... Alors coach, il faudrait arrêter il faudrait huiler votre micro, qui grince énormément à chaque fois que vous le bougez. Quoi. Oui, ce micro, en fait, je crois, depuis qu'il a eu un problème au croisé du genou, finalement, il grince. Ça a sans doute un petit peu mis un terme à sa carrière sportive, je pense. Et on le reverra peut-être sur les terrains l'année prochaine. Qui sait, oui, peut-être qu'il faudra bien masser en profondeur ses ressorts et peut-être que tout ira mieux. Avec un temps de jeu aménagé, probablement. Merci beaucoup, coach, merci, docteur, et merci à notre fameux invité Florent ce soir. Vous avez été parfait. Merci pour votre concours et on espère vous revoir autour de cette table prochainement. Allez, bon, ben voilà, volontiers. L'invitation est faite et le rendez-vous est pris, j'ai envie de vous dire. Il est 23h16, 15. Nous sommes assez en retard. Nous allons nous quitter, ça devient compliqué, avec un petit morceau, une fois de plus, de la sélection du coach, de Eric Robrecht, qui n'a rien à voir avec tout un tas d'autres gens, mais qui a lui aussi composé un morceau qui s'appelle N'importe quoi. C'est ça, coach ? C'est parti. C'est parti, on y va dans 15 jours, 3 semaines ? 15 jours. 15 jours. À bientôt. À bientôt. Conditionné comme des petits pois, on avale n'importe quoi. Entre toupies, hors notre toupie, on tourne en rond comme des toupies. Toupies, au fait, ça veut dire quoi? On ne sait plus, alors on croit n'importe quoi. Les confidences de l'injecteur, histoire de fesses, courrier du cœur, Margaret, Tony, Soraya, un coup je te vois et je te vois pas, n'importe quoi. En 8 jours, les seins de Bardot, avec la vraie crème gros lolo, et les fausses couches de Fabiola, et la dernière souris du chat, n'importe quoi. Des musiques de plombier zingueur, concerto pour marteau piqueur, sitar hindou, chapeau chinois, symphonie pour un placenta, n'importe quoi. Sculpture pour jardin de Charenton, c'est plus de l'art, c'est du cochon. Bagnole pressée, Niki Nana, et plus c'est con, et plus ça va, n'importe quoi. Tire au fusil pour faire une toile, sur des yaourts, des tuyaux de poêle. Un de ces jours, on s'esbondira, Vangélie qui peint au caca, n'importe quoi. Faut du nouveau, du jamais vu, pour épater les parvenus, les snobs de l'intelligentsia, pour les cocos, pour les cagas, n'importe quoi. Sadisme et cinéma cochon, camouflé creux pour les pochetons, jeu de glace à la Kamasutra, un coup de sable, un jus de caca, n'importe quoi. Évangile et pensée Mao, bombe atomique, lunettes chromo, ça sent son petit Hiroshima, on peut s'attendre à ces jours-là, n'importe quoi. On mélange tout, meilleur et pire, agité avant de se servir. Qui c'est qu'on est, où c'est qu'on va, qu'est-ce qu'on est venu foutre là, n'importe quoi. Alors poussez-moi la sono, pour un lavage de cerveau, que ça balance et que ça swing, c'est parti pour le happening. On va chanter n'importe quoi, on va danser n'importe quoi, on va crier n'importe quoi, il arrivera n'importe quoi. Et puis l'invincible armada, les chaises, les chiottes, Caligula, les minutes mènes en Alaska, le déterrant Betacama, et les démarrages. Voilà, les noirs, les blancs, les chocolats, les jaunes, les rouges, les gros, les blancs. Jésus, Bouddha, c'est nous, voilà. Le chef, le chat, c'est la chimère.